Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Manalus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Alors, si je suis mon conducteur, donc c'est le 8.3 de septembre, on commence par une présentation. Bah, si je suis mon conducteur, ah, pardon. C'est ce qui est marqué, ah, 8.3. Numéro, merde. Non, on est vraiment au con. Donc, présentation des participants par Azertov, donc c'est moi-même. Autour de la table. Tu t'introduis. Oui, je m'introduis et je commence par t'es invités. Bah, il s'est introduit lui-même de façon buccale. Voilà. De façon autonome. Auto, voilà. Ah, avec moi-même. Tu prends des initiatives en fait, t'es comme ça. Putain, bâtard. Donc, autour de la table, en invité spécial guest of the year, of the. Of the top of the world. Le Milou. Ah oui. Bonsoir. Alors, petite présentation, le Milou, qui es-tu, que fais-tu et d'où viens-tu? Qui es-tu, où vas-tu, d'où viens-tu et où? Quels sont tes réseaux? Mes réseaux alors, j'en ai plusieurs. H plus. Non. 4G. Ouais, non, là c'est 4G. 3G. Chez moi c'est plutôt 3G voire Edge. Oh, c'est-à-dire qu'à Cap de Nagar, le réseau ça va. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Hashtag teasing pour la suite. Et pas non, ouais, non, et sinon, pas sinon, bah oui. Emile, connu sous le pseudo Milou. Ou le Milou, parce que Milou tout court sur Twitter c'était pris. Un Kleps. Salaud. Ouais, et Femicast sur Limoges. Voilà, en compagnie de Fabien et François. Et on dit bien. Ouais, on dit bien. Salut à eux. Salut. Qui nous écoutent dans nos cœurs, tout ça. Coro-coro. La famille. Coro-coro. Toco-toco. Toco-toco. Nous avons ensuite notre hôte qui nous a gentiment accepté malgré nos histoires un petit peu épineuses. Sordides. Façon d'être, Benjir. Voilà. Vous êtes les bienvenus dans la Diagonale du Vide. Ah oui. C'est vrai qu'on a croisé personne en fait. Hein. C'est... Il y avait du monde, là. Ouais. Il y avait des arguments à un moment. Même si c'était du noir et blanc, il y avait ça pas grand monde, mais au balcon... Il y avait du monde. Il y avait population. Il y a aussi un moment où j'ai fait acheter du fromage. Pourtant, c'est un fromage... Mais c'est la campagne profonde, quoi. Ah, mais très profond, oui, ça. En même temps, ici, c'est pile poil entre chez vous et chez Milou. Ah ouais, oui, là, de ce côté-là. Donc, c'est, voilà, c'est parfait. D'ailleurs, c'est le seul intérêt à venir ici. Quoi. Ah non, très bien. Non, et non. Tu sois là aussi. Ouais, je suis là les aussi, deux sont liés. C'est pas mal. Aussi. Tout est lié. Ouais. Tout est lié. Tout est connecté. Donc là, vous êtes en fait à Cap de Nac, gars. C'est là où j'habite. Pote Cap de Nac. Cap de Nacast. On sait pas encore, mais de toute façon, les hashtags, on les a pas mis. Cap de Nacast, gars. Ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Donc du coup, bah, toujours avec mes comparses Asto. Habitué. Salut. Et Gandalf. Hashtag petite poire. Petite poire. Ouais. Hashtag ça sent pas la poire pourtant. Ouais. Il y en a. Et sortez le vitriol. Ouais. Normalement, on est toujours diffusé sur Pod Radio, donc c'est sur. Ça s'est pas fait depuis. Non, pas depuis la dernière fois. Non, pas depuis. Ça fait un mois depuis le. Depuis la dernière fois que ça faisait un mois. Voilà. Depuis là, pas le mois dernier. Mais pourquoi les épisodes sont en Ridley Scan là? C'est ce bordel. Et j'ai pas compris le dernier, l'intro du dernier épisode. C'était, on s'est trompé de podcast, c'est ça en fait. C'était le vlog de Jean-Marie Le Pen, c'est ça. C'était le Nazicast. Le Podreich. Donc au menu de ce numéro de la picole, même si ouais, on a été modéré. On a été oui. Je modération. Fallait soutenir. On est parti sur la liqueur de poire. L'eau de vie de l'eau poire. De liqueur, liqueur. De poire. Mais modération était parti nous. C'est pas pareil. Petit ange parti oui. Trop tôt. Oui. C'est-à-dire qu'il est précoce. Oui. Donc dégustation de bière, un dossier par Monsieur Asto. Un quiz par. Un vrai quiz, un vrai quiz. Cette année pas d'enculerie. Ouais, c'est putain, il nous a fait un dossier. Et il nous fait un quiz. Ouais, pas d'enculé. Et ça, il y a un truc qui est louche. Je sens l'accident, cool. L'accident de parcours. Ouais. Gilles. Et ouais. On se termine joyeusement par une petite musique de fin. On se finit. C'est quoi déjà la musique de fin? Non, mais ça, on saura. Là, on se finit sur une musique et de fin. Si vous êtes ça, je chanterai. Ah, allez. Du coup, ça vous plaît comme programme? Ouais, ça va. Ça a été jusqu'à maintenant pas trop déçu. On travaille un peu sous pression, mais ça va. J'aurais bien aimé un truc avec des news, un dossier, un was-off. Déjà gratté, déjà gratté. Non, mais là, tu confonds, c'est l'apéro du capitaine. Nous, c'est l'apéro original. Nous, c'est on reprend des concepts. Nous, on est plus original. En fait, on fait comme les autres. Voilà. Mais du coup, on a mis original là le nom pour être un peu. C'est pour ça. Pour se démarquer. Tout simplement. La bise est au cheveu d'ailleurs. Oui, salut Toche. Toche, si t'es toujours en route, c'est que t'as eu un souci. T'as 3 mois qu'on l'attend. Sainte Bordeaux, quand même. Du coup, on va commencer par. Avec les next. Voilà. Nous, on va commencer par la dégustation de bière avec du c'est bien ou blanc. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, folle ! Ah, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif. Allez, non, vous aussi, les gars. Et du coup, je vais donner mon décapsuleur à monsieur Asto. Oui. Putain, j'ai pour qu'il commence. Tu fais chier. Pris au piège, parce que. Pris au piège, je suis pour marasme. Il était juste avant le début de l'enregistrement, il n'avait pas fini son précédent verre de bière, donc du coup. Il m'en reste un fond. Ouais. Ouais. Juste un doigt, même pas. C'est bon. Juste un doigt, ça va, c'est bien, c'est bien. C'est moi, bon, je prendrais bien un whisky. Allez vite. Tu veux pas un doigt d'abord Deux doigts, trois doigts d'abord. Donc, moi, je vais finir cet enregistrement sur une Brugs Zot, une bière belge à triple fermentation, je crois. C'est quand même un bon nom de nazi, de bière belge. Haute fermentation, refermentée en bouteille, brassée dans la brasserie familiale de Alveman. Alve, c'est le chat qui mange des chats. Installé depuis 1856 dans le cœur historique de Bruges. À Canamur et puis après, pas possible. Non, mais j'ai fait crescendo. Crescendo. 4,5, 5, 6. Ah oui. Attention. Crescendo. Attention, l'accélération. Hashtag t'as mis la nitro. J'ai activé les turbos. T'as mis la nitro, on se touche pas le clito. Je vais essayer de pas faire une mousse. Une mousse néo-zélandaise, une mousse AK. attends. Ouais, bon, ça sera forcément un jingle en retard, mais. C'est le canard ? Non, je te mets un talons. Ah, parce que j'ai été gentil. Je suis dissident de l'écoute. Je passe le décapsuleur virtuel à mon voisin d'en face. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu me passes un décapsuleur qui ne va toujours pas me servir. Parce que j'ai encore une fois. Parce que là, franchement, c'est le gain du game. Là. C'est le, prendre c'est une bière dans une bouteille de métal. voilà, alors la canette est rouge. Dessus, il y a un type avec une grosse barbe et une couronne. Et en dessous duquel, il est marqué King's Brow. Ça doit vouloir dire le breuvage des rois. c'est une bière de saveur et de caractère, pure malt, qui est distribuée par Intermarché. La brasserie Intermarché. Voilà, à l'intérieur de laquelle on peut trouver de l'eau, du malt d'orge et de l'extrait de houblon. Mais comme pas forcément c'est original. Si, surtout de l'eau. Voilà, ça fait 4,2 degrés, c'est une canette de 50 centilitres. Encore une bière de l'enfance. Ou de clochard. Ou de clochard. Les deux, quand même. Donc je l'ouvre. elle se laisse pas faire. Non. C'est le breuvage des rois. J'ai hâte de voir le. J'ai hâte de voir l'arôme. La gueule du breuvage. Il est clair. Toujours aussi transparent. Ouais, on dirait la bière qu'on avait achetée pour l'Octoberfest, la pisse. Qu'elle avait même pas débouché les bouteilles, mais quelqu'un a pissé. Voilà. Et en fait, de toutes les bières que tu as bu en 3 mois, la 8-6, c'était celle qui avait le plus de couleurs quand même. Et c'est aussi celle qui avait le plus de goût. Ah, celle pour avoir goûté la top budget. Pépé, du coup, je pense que celle-là c'est exactement la même que la top budget. Ah non, mais Pépé, tu l'as tué là, ça y est. Tu continues sur ta lancée de bière à la merde et Pépé fait à merde de la King Bro maintenant. Ouais, c'est ça. A noter que nous on voulait boire de la 33 Export pour le 1er avril. On a fait une saison thématique de 3 mois sur les bières pas chères. 3 bières de merde. J'ai, oui. Tu. Mais ça existe aussi les bières pas chères. Il n'y a pas que des bières de garde de moine De garde, faut y arriver les gardes. Les bières éphémères, non. Il n'y a pas que les aristos qui boivent de la bière. Bah, le premier qui me sort une bière permanente, j'achète. Une bière vivante, t'inquiète pas, elle va être vivante. À la fin de. Ah, quelqu'un a rajouté une photo, ça fait planter le. Ça y est, moi ça me fait planter le diaporama, ça y est. Et du coup, je te remets le. Je te remets le. Décapsuleur. Je le remets. Le limonadier. Ah voilà, merci. Le limonadier. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et le voici, il va te permettre, Milou, à toi d'ouvrir ta bière maintenant. Mmh. Ben moi je continue dans ma trilogie de Les Movies. Donc la petite dernière, c'est une blonde. C'est la blonde du Limousin. Ah, il garde une thématique. C'est. On est très thématique. Hein. Alors celle-là, c'est la moins forte, c'est une 6-5 quand même, leur blonde. C'est la donc c'est toujours une bière artisanale. Alors que lui, non. Toujours interdit aux femmes enceintes. C'est toujours pas une bière permanente. Et ce périme en 2019, voilà. Sinon, ouais. T'es pénard. Malt, orge, houblon, levure, voilà. Sinon, brasserie, Les Movies. Cool Roll 87-250, folle. Folle. Ouais. Stéphane 87. Le. Stéphane le. Folle. Avec un S. Il y en a plusieurs des folles. Putain, j'avais que ça suffisait. C'est les folles. Hein? C'est les folles. Ouais. Non, c'est folle. Ça se dit folle là-bas. Putain, mais c'est l'attaque des petites Jedi là. Mais Amos. Mais Amos des muches, ouais. À force de les enculer, ils sont partis. Il y en a plein qui sont neutres dans le verre. Verre plein, j'ai. Vite, je te plains. Mais il n'y a pas de rime avec bouche. Ça, c'est fait. Il n'y a pas bouche. Putain, mais c'est une blonde, cette couleur. Il y a babouche qui rime avec mouche. Hop. Ah, wam. Et c'est louche. Ouais. Alors, cette fois, j'ai eu une innovation parce qu'en fait, j'étais pas du tout parti sur ça. Au départ, je devais ramener une sapelue. Donc, bière japonaise, du coup, c'est vraiment. C'était du coup à 5 degrés, même pas 5-5, un truc comme ça. Vraiment, la bière japonaise alimentaire. Et encore une fois, quand la fois où je suis allé chercher la petite prune, eh ben, il y avait aussi des petites bières qui étaient proposées. Et je suis tombé sur du coup de la brasserie du Cerfeuil, du Clairfeuil, pardon, qui est route de Calix à très basse dans le Tarn. Donc du coup, je décidais de prendre ça. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. C'est cette fille qui m'appelle. Ouais, elle me trouve elle beau. Te trouve beau. Hashtag merci, merci Gérald. Ouais. Et du coup, j'ai dit, bon, bah écoute, j'ai jamais goûté cette brasserie, puisque de toute façon c'est du Tarn, donc je me suis dit, on va faire dans le local, ça fait longtemps. Et puis ça me permet d'introduire les petits dossiers, peut-être qu'on fera sur le. Probablement, sauf si on est mort en voiture, bien évidemment. Mais si on est mort en voiture, c'est-à-dire que cet épisode ne sortira probablement longtemps. C'est vrai. Ouais. Donc, bon, on s'en fout, on n'a pas fait de disclaimer par rapport au. Disclaimer, oui, c'est vrai. Au précédent, hein. Bah déjà, il n'y a pas président Jean-Luc, déjà. Donc... Voilà, mais ça, on n'a pas fait de disclaimer. Il n'y a pas président Marine non plus, je sais que certains seront déçus. Président, quoique, ouais, c'est vrai que j'ai rien de doute. Ouais. On y avait cru, là. Président Marine, bon, il y a certains qui doivent être déçus, hein. Désolé pour eux. Non. Désolé, pas désolé. Non, carrément pas. On a encore le droit de faire des podcasts, mais il faut sérieusement penser à la monétisation. À la monétisation. On est sur Macron, ça rigole plus avec la thune. Une start-up de podcast. J'ai 81 on the road again to Perrin. Soon in 2018. Ça sortira avant faire moi, Podren. C'est plus proche que la sortie de Star Citizen, par exemple. Et la sortie de Shenmue 3, j'en parle même pas. Donc voilà, donc, c'est une bière. Alors c'est une bière de garde brune. Donc autant vous dire que est-ce de garde. Que tu peux Adevante. Et on peut les trouver d'ailleurs sur le site Belle de Trébasse. Et à noter que c'est une particularité que j'avais rarement vue. Toutes les bières de la gamme, donc blonde, ambrée, etc., font 5 degrés. C'est la première fois que je vois ça. C'est une gamme où toutes les bières font le même degrétage. Je sais pas si ça se dit, mais. Même cylindrée. Voilà, même cylindrée, voilà. Très, encore mieux, merci. Et du coup, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, on décapsule. On décapsule une belle. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Une belle brune. Ah, j'ai rien contre une belle brune. Hein. Brune, rousse, blonde. Je suis pas. Une blanche, par contre, c'est un peu sexiste. C'est un peu raciste. Hein. Bon, c'est une brune, voilà. J'avais pas dit, par contre. Je suis pas regardant sur la couleur. Je suis pas regardant sur. S'il y a un trou, par contre, et qu'elle est consentante. Sur le consentement, par contre, t'es regardant, c'est ça oui. Et sur les boobs, mieux. Vous êtes regardant sur les boobs? Ouais. Moi, celle-là, pas mon petit bois. J'avoue que la maman qu'on a vue tout à l'heure. J'avoue que là, il y a quand même très peu de choses à jeter. Donc, forcément, c'est comme avec Nathalie Dormer, quand il y a peu de choses à jeter, on peut. Tu prends tout, quoi. Tu prends tout, voilà. Après, je suis pas très regardant, moi, je préfère mon petit cul. J'avoue. Ça. Mais bon, en même temps, c'est teasé depuis 54 épisodes de l'apéro, donc ça. Je pense que les gens qui écoutent régulièrement, ça s'en sont rendus compte depuis longtemps. Donc, ben, moi, je pense qu'on goûter, on va goûter. Hein. Ben non, ah, non, c'est mais ça. Attends, on va ouvrir sa bière. J'ai oublié le chef. Le patron, pardon, excusez-moi. Putain, les mouches, j'arrive pas à me bouffer. J'ai un trou là. Venu du futur pour sauver vos papilles, l'exterminator est un doppelbock puissant, sombre et maltais. Will Weebock. Bière collaborative brassée et embouteillée par la brasserie L'Excuse. Ingrédients: eau, malt, Pilsner, Munich, Cara 99, Cara Munch, Cara Roma, spécial W, blé, café, en houblon du Columbus, sucre de refermentation, levure et Sarah Connor. Passe ton chemin. Donc c'est une collab brasserie L'Excuse qu'on a acheté au Toulouse Beer Fest. Et la brasserie Iron de Montauban. Ah, bah c'est bon, c'est une bière qui a pas franchi le nord de Montauban, on est d'accord. Donc ah, c'est vraiment une bière approuvée. Tu vas voir ce qui va franchir le nord de Montauban tout à l'heure. Et qui va franchir la frontière de mon cul. C'est dans le 32. C'est la brasserie L'Excuse, c'est Montvezin. C'est ça, dans le 32. C'est ça. Dans le 32, c'est dans le 32 en fait. Je pense que ça va être une bonne noire. Je sais pas, il y a marqué Montauban. Enfin bon. Oui, mais c'est une Iron collaboration. C'est une collab. Ah, c'est des collabos. L'Iron, c'est Montauban, ouais. Mais la brasserie L'Excuse. Est-ce que ça veut dire que leur mamie a été tendue à la libération? Enfin, je sais pas, c'est pour savoir. Probable. Probable. En tout cas, j'aime beaucoup les blagues sur les mamies tendues à la libération. C'est très triste, mais ça me fait beaucoup rire. Mais c'était ils avaient un stand très sympa. Bon, alors on traque. Bon, va falloir que je vienne avec vous. On a des gobelets en plastique en fait. Quand c'est pas G81 qui présente, ça trinque. Ça s'appelle du savoir-vivre, ça. Quand G81 présente, ça trinque pas. J'ai des verres spéciaux pour la bière, mais je les ai pas pris. Ah putain. Alors je sais pas si j'ai pas trinqué, mais bon, c'est pas grave. Ils ont que des bières qui commencent par ex quelque chose. Alors en fait, la mienne, ex machina, l'ex Lucet, lui il avait l'exterminator, tu as aussi ex machina, ça pourrait être bien. Moi je pense que la bière. Oula, ah oui, c'est Marc Repère de la fois d'avant était meilleur. Bien meilleur que celle-ci. Ouais, donc les de loin. En même temps, les rois ils ont pas mon goût, quoi. De loin. Alors moi la mienne c'est une brune, donc c'est j'ai envie de dire. Donc en fait, tous les rageux. Dans l'ordre des bières de poivreau. Moi, ça arrive pas tout de suite le fait que ça soit une. Enculé, mais c'est de la flotte! Elle est vraiment pas bonne, hein! Enculé, mais c'est de la. C'est de la flotte! La Camus Bro est vraiment beaucoup moins bonne que la marque Repère! Top budget, c'est. Ouais, top budget, c'est meilleur! Si ça, c'était top budget! Que la mienne, directement, ouais! Ah, mais c'est de la flottasse, hein! Ouais, obligé de la couper à la poire, du coup, pour la boire! Allez, vas-y, tu veux la mienne aussi? J'ai bien goûté, ouais! Mais c'est pas la mienne, c'est celle à Zertos! Ah, putain, merde! Ah, oui, t'as une blonde, toi, je suis con! Ouais! Ah oui, la tienne est sans bon par contre. Sous tous les rageux, juste la sentir. Ah, la mienne elle est forte pour une 5 degrés. De toutes les bières des 3 derniers épisodes, elle est légère. La meilleure. C'est une 8-5 quand même. Mais donc, à l'odeur, elle est bonne. Elle, ça me fait penser. Passe bien. La mienne est plus légère alors que la tienne elle attaque un peu plus. La mienne. De toutes les bières qu'on a goûtées depuis les 3 derniers épisodes, la meilleure à mon avis c'est de la première que t'as bu. C'est la Gandalf. Celle-là elle était vraiment. En attaque de bouche, elle est assez. La blanche, je voulais la. Et ensuite ta bière rosée était pas mal aussi. La rosée, ouais, elle était bien douce. Vraiment un petit. Viens, par contre, on est des esthètes. Là, c'est un petit goût de stout. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Très, pas mal. Très, très basique. Là. Un peu plus jamais pouvoir boire ma King Bro. Ah, trop plus fort. Mais après, peut-être c'est pas le sens aussi où j'ai passé le GPU cet avant aussi. Mais non, mais. La blonde, à toi, est très bonne, je trouve. Je trouve que c'est une bonne blonde. Ouais, elle est pas mauvaise. On va l'appeler Nathalie. Elle a les yeux bleus. Elle a l'étiquette bleue. Si tu es une blonde, elle a l'étiquette bleue. Mais il en reste dans le fond. Alors comment est-ce qu'on appelle ceux qui collectionnent? Tape dans le fond, je suis pas ta bière. Ouais. Non, je suis pas ta bière. De bière blonde. Ah si, c'est ma bière. C'est ma bière. L'étiquette de blonde. Pas de bière, de blonde. Non mais alors toi, franchement, là, record à battre. Hein, franchement, la tienne, elle est, mais c'est de la. Ah mais je vais pas la finir. J'avais jamais vu ça. Je vais pas la finir. Non mais il reste de la printemps si tu veux. Ouais, je vais faire ça parce que je veux pas non plus boire une bière mauvaise franchement, en disant. Elle est pas bonne. Forcer, la goûter, si voilà, elle est pas bonne. Dans le frigo, il y en a d'autres, t'en es comme ça. Ouais, puis on a aussi. On va faire comment ça s'appelle une. Comme l'ONU va appeler une délégation, ils vont amener des bières de secours là. Il faut appeler les casques bleus de la bière. Faut qu'on en a rapatriement. La top budget est pas mal. Hein. Ah, finalement, la top budget, Intermarché, elle était tout à fait buvable. Voilà. Largement non, comme de la croûte. Si c'est moins cher que la Heineken, moi je trouve que ça vaut le coup. Oui, bah oui. Si tu veux te faire un petit peu des choux de Bruxelles à la bière, ça suffit. Je trouve. Ah, mais après, oui, pour faire la cuisine, ça suffit peut-être. Hein. Pour une fin de chantier. Ah non, celle-là, non, trop de flotte là. Ouais. Trop de flotte. Alors que tu peux. Ouais, mais ça s'évapore. Une nef au miel. Pour faire la cuisine. Une nef au miel. Bah, la nectar. Ouais, elle est pas dégueu la nectar. Ah, la nectar, elle est chouette. Moi, je sais, quand ils ont fait leur bière il y a 2 ans spéciale, c'était pas la lef de printemps. Ils en avaient fait une de vigne ou je sais pas quoi. La lèvre de vigne, elle était pas terrible. Celle-là, ça va. Ah ouais, la lèvre de vigne, elle a un très fort arrière-goût de vin blanc. Oui. Ouais, mais enfin, j'avais testé. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la lèvre de printemps, c'était vraiment un truc limité. Ils n'ont fait qu'une seule fois. Et t'avais un petit goût d'épices. Et j'ai fait de la cuisine avec. Putain. Qu'est-ce que ça ressort? Mais alors, t'as fait quoi comme recette de cuisine avec de la bière? J'ai mis un fond de bière dans ma poêle. Voilà. Et j'ai mis en fait à chauffer. Et j'ai mis, c'était des cuisses de canard. Ou de... D'accord. Ouais, quoi. Bah, et ça caramélise un peu. Puis tu mets un petit peu dessus. Il y a pas mal de recettes que tu fais avec genre un bourguignon à la place de mettre du rouge. Je peux mettre de la bière, ça marche très ouais, bien. Ça marche très bien. Bah, dès que tu fais un peu, mijoter. Oui, parce qu'on peut mettre de la bière dans la pâte à crêpes. Ouais. Oui. Mmh. Ah oui. Voilà. On peut la remplacer par le radio bière foot. La radio de la bière et du foot. Bah toi là ils boivent de la bière comme ça quoi. Dans la pâte à pizza. J'ai un collègue qui m'a filé une recette de pâte à pizza où en fait à la place de la levure il met moins de levure et à la place il met de la bière. Et la bière fait l'effet de la levure. Et on peut même faire une quiche à la bière. Ah bah, une quiche flamande. Tu peux faire tout ce que tu veux là. Une espèce de flamande. Moi, je suis quiche, je te fais une quiche. À la bière. Je te fais une flamande galette. Quiche. Galette. Pourtant, je suis pas le roi de la crêpe, hein. Je te fais une galette. Hein. Direct. Hein. Des moules à la bière aussi, on peut faire. Ah oui, bah oui. Moi aussi, je des peux faire ça. Des moules à la bière, c'est quand tu te fais choper par un belge, des cuisses de canard à la bière blanche en cocotte minute. Ça, c'est ce que tu avais fait. Je crois qu'il y a du vol de pinard là. Je crois détecter du vol de pinard. Assassin de la police. Assassin de la police. Et on peut aussi mettre de la bière dans du clafoutis. À mon avis, ça doit être dégueu le clafoutis à la bière. C'est pas de l'eau dans le verre. C'est pas de l'eau. Enfin, si, de l'eau, mais de vie. C'est-à-dire que je reprends du HP. De l'eau de vie, de l'eau de l'eau. Oh. Et du coup, on va passer au dossier d'Asto. Merde. Que je me trompe pas. Tu te trompes pas de dégueu. Alors il y a eu un départ forcé. Il y a eu un départ fortuit. Un abandon sur la course. Un abandon. C'est pas grave, je vais quand même faire mon quiz. Malgré les aléas du direct. Ah, c'est un quiz. Ouais, c'était un dossier. Mon dossier, putain. Ah putain, j'ai eu peur. Ah, je veux dire, il y a une enculerie. Non. L'enculerie est très beau pour moi. Je bosse sérieusement, moi, monsieur. Hein podcast is serious business. Ah, d'accord, parce que tu sais, moi aussi. Podcast is adventure, but podcast is serious business avant tout. Parce que pour moi, c'est business is usual. Moi, c'est une enculerie, quoi. J'ai peu de respect. J'ai beaucoup de respect pour l'enculade, par contre. Non, je vous ai fait un dossier que j'ai intitulé de nom. Respect et une certaine fascination, je dirais aussi, quand même. Hein, parce que ça revient assez souvent. Autant te dire, la première que je vais choper, autant te dire, elle va. Bah elle va fumer du cul. Nathalie dormeur, on revient toujours à elle. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. forcément, elle nous écoute. Mais oui, mais on va lui envoyer, de toute façon, on va lui touter. C'est, par contre, si elle vient un apéro original, ah oui, moi, je t'ai jusqu'à la compte Twitter. Si Nathalie Dormeur vous dit, elle vient même pour une blague, hein, elle vient un apéro original, vous pouvez déjà tout de suite remplaçable. Déjà, on m'avait dit qu'elle serait là, hein, que si je venais, elle serait là. Et... Bah, elle était là, en photo. Elle était là, en gif. Bah, elle est chez moi, en photo aussi, dans ce cas-là. Au plafond. Dans notre chambre. Elle a un mouchoir. Hashtag, tu seras sur mon moment. Ça tient sans punaise. Ça tient sans punaise. Oh putain, scary movie. Quoi, t'as mis de la pâte à fixe. Ouais. On a fait une espèce neuf, de 9 de allez, la pâte à fixe artisanale. Ouais. Bah, ça fait des taches au mur 100% bio. Ouais. Fait la main roulée sous les couilles. Ah putain, rouler sous la prostate. Parce que tous les jeunes ils sont dit putain, ils sont soft cette fois, ils sont partis sur les manger. Ah c'est bon. 9.3 et c'est parti. Oh, non, ah ça y est, on a le retour du Jedi. Revoilà la sous-préfète. Enculé de velours. Ah putain. Ah j'adore. Il a niqué le week-end le salaud. Ouais. Je m'en moi ça va, on l'a niqué hier. Magic, le week-end ou. C'est Magic. Oui. Alors, c'est Magic Everywhere. Donc c'est mon dossier. Oui. Mon dossier que j'ai intitulé Kate au pays des automates. Bon, qui ça? Kate au pays des automates. Bekensal? Non. Bekensal. C'était pour teaser un petit peu un truc sur Disney. Au cas où des gens ne sachent pas trop qui c'est Kate au pays des automates. Qui Kate? Et ben par exemple moi je ne sais pas trop. Kate Middleton. Voilà. Toi tu sais ou pas? T'as une idée? Automate là ça me fait penser à Nirm. Et toi? Nul, je pense que ça va être un jeu. Ouais, bah ouais, parce que je fais des thématiques. Hein. J'ai fait un... Ah bah oui, non mais voilà. Quel branlito, putain! Non mais j'essaie de me fixer la contrainte de la thématique. C'est-à-dire qu'entre mon quiz et mon dossier, ouais. Il y a une thématique. Ah mais il y a un sacré dossier thématique. Donc on a eu deux personnes qui ont pris des bières thématiques. Toi tu as fait des thématiques. Voilà, et moi voilà. J'ai fait de la thématique merde. Et du toi, coup, ça va être. Ah, du coup! Et thématique, du coup! Un dossier sur les musiques de jeux vidéo. Non. Pas est-ce sûr. Que tu vas parler de la musique? Il y a que ma musique qui n'était pas dans la thématique, puis j'ai mis du Red Wings sur le 9.1. C'est Kaiwa. Mais donc je vais parler jeux vidéo. Oh et non, donc. Non, Kate au pays des automates. Va fumer et fais pas chier. Moi je suis nul en jeux vidéo. Non, mais c'est non, pas, là, c'est un quiz, ça va pas se faire justement. C'est un do quiz. Kate au pays des automates. Mais c'était avant le quiz alors qu'il fallait le faire. Eh ouais, mais ça dépend. Ça dépend. J'ai compris, je vous promets du bon et du lourd, les gars. Je vous promets du bon et du lourd. Ça ouais. Dépend de. Du bon, du lourd. Voilà. Donc, c'est pas vite. Kate au pays des automates, ça vous évoque aucun jeu en particulier? Moi, je dis Nier Automata, mais. Ouais, moi, je dis pareil. Alice automata. Au pays des merveilles à cause de O. Mais Kate, ça me fait penser aussi à. Ça fait penser aussi au rush de la gravité. Gravity Rush? Ouais. Ouais. Gravity Rush. Ou alors, ça fait penser à Poupée de Master. Ouais, c'est Ghost in the Shell, un truc comme ça. Ghost in the Shell, d'accord. Non, on y est pas. Pardon. Non, c'est un jeu où il y a un personnage qui s'appelle Kate et où il y a beaucoup d'automates. D'accord. Merci. Est-ce que c'est des automates? Ce sont des automates. Siberia. Siberia. Ouais. Mais c'est toi qui avais trouvé Shooter. Shooter. Ouais. Oui, c'est lui. Shooter. Iru. Sokades. Donc il y avait un teasing dans mon quiz parce que j'avais casé. Mais comme tu vois, j'avais compris. Un genre d'introduction, tu vois. Tu le sens le gland arriver. Mais, ouais, non, ouais. Mais c'est l'introduction quoi. C'est une introduction. Puisque dans Siberia, donc le protagoniste s'appelle Kate Walker. Doublé en français par François. Arrêtez de lui donner de la flotte. Kate. Et il y a plein d'automates. Il y a beaucoup d'automates. Mais oui, Siberia, évidemment. Dont un qui s'appelle Oscar. Le nerf. Voilà. Et donc, je vais vous faire un dossier. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Tout ah, plus personne qui nous écoute. L'univers de Siberia. Mais avant de vous parler de Siberia, il faut que je vous parle du créateur. On est 6. Enfin, il y a 6. Moi, j'y suis pas. Faut que je parle du monsieur qui est derrière Siberia. Monster Onomus. Que vous connaissez plus ou moins. Toi, tu dois le connaître. Bon, non. T'inquiète pas. Tu connais pas? Non. Alors, c'est un auteur de BD belge. Ah bah si, alors je connais peut-être. Bah, Benoît Sokal. Qui s'appelle Benoît Sokal. Canardo. Voilà, donc Benoît Sokal. Il avait fait Canardo, ouais, c'est ça. Un polar et tout. Faut que je prenne en photo le Inspecteur Canardo. Ça lui fera plaisir. Le druyer. Ça lui fera plaisir. Bien sûr. Inspecteur Canardo, effectivement, c'est Benoît Saucard. Plein de gens. Donc, il est né en 54 à Bruxelles. C'est un scénariste et dessinateur de bande dessinée. Et à partir de la fin des années 90, il a fait également de la conception de jeux vidéo en réalisant son premier jeu vidéo, Lamerzone. Merci. Alors, Lamerzone, c'était quoi ? Est-ce que parmi vous... C'est l'Amazonie, mais amer. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à Lamerzone ? Non. Moi, j'avais commencé à y jouer. Bon, le niveau de la mer a monté, et dans l'Amazonie, il y a des bayous, quoi. C'est ça, avec des îles. Alors, il y avait une marée, un bayou. Un bayou. Je chie sous le bayou. Mais je chie dans les Caraïbes. Lamerzone, donc un jeu qui est sorti en 1999 et dans lequel on incarne un journaliste dont on ne connaît pas vraiment l'identité et qui veut réaliser l'interview d'un vieil explorateur du nom d'Alexandre Valambois. Le journaliste se rend dans le phare où habite ce vieil homme. Et en fait, celui-ci est mourant. Ouais, et après un monologue destiné au jeune reporter, il lui livre une tâche qui ne va pas. K2R. S'empare d'un mystère. Mais une tâche K2R. Non. Ah. Une tâche pistache. Il lui confie la. Hashtag Gocamoles. Ouais. Une tâche moustache. Il confie donc la mission à ce jeune journaliste d'aller en Amazonie pour y ramener l'œuf des oiseaux blancs. Ah oui. Le journaliste se lance alors dans l'aventure pour tenter de réaliser le dernier souhait de l'explorateur. Donc c'était un jeu du genre point and click. C'est un explorateur ludique. Mais, ouais. Très old school, très Myst. Ah oui, c'était très dans l'esprit Myst. Ça a mal vieilli, je crois. Très chiant. Ouais, la Merzone, je pense que ça, par rapport à Cyber, je pense que ça a mal vieilli. Ouais. C'est encore très beau, hein, même les Oui, non, mais je parle niveau mécanique. Myst, c'est pareil, c'est beau, mais alors. Voilà. Tu te rappelles le truc que t'as oublié au début de l'aventure ? Hard. Oui. Eh ben, va le chercher. Non, c'est. Ah non, c'est pas le truc que t'as oublié de l'aventure, hein, c'est. Ouais, c'est ça. On te largue au milieu d'un truc, tu sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est. Et. C'est nu et culotté, en fait. C'est nu et culotté le jeu vidéo. C'est ça. C'est un peu ça. C'est des jeux ultra difficiles. Le chef y allait manger. Si t'as pas la soluce devant les yeux, c'est vraiment des jeux qui sont quasi impossibles. Moi, je sais que le Myst. Moi, je crois que j'avais fait le Myst 3, celui qui s'appelait Riven. J'ai pas fait ça. Il y a les jeux genre. Grim Fandango, un petit peu moins peut-être, mais. Comment ça s'appelle Day of Tentacle, tout ça. Ils disent que maintenant, quand tu veux les refaire, vaut mieux prendre un peu la soluce sur les genoux parce que. Il y a des résolutions d'énigmes, c'est quand même un peu what the fuck. Tu sais, genre, moi, il y a une énigme, tu vois, c'est. Il faut qu'il y ait du tournage. Bon, si tu veux, par exemple, faut que tu récupères, je sais pas quoi, une clé ou je sais pas quoi. Donc, en gros, faut que tu laves le carrosse. Parce que quand tu laves le carrosse, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il pleut. Parce que quand tu laves la voiture, ben, derrière, il fait mauvais temps. Ça te salit la voiture. Du coup, comme il y a de l'orage, ben, il y a Benjamin Franklin qui sort ou je sais pas quoi. Du coup, il se prend l'éclair dans la clé tombe par terre, tu ramasses la clé. Qui trouve ça, tu sais. Et la Merzone, je sais pas si c'est dans ce même délire, parce que Myst était quand même un petit peu plus. C'était quand même. C'est exactement dans le même délire que Myst. Après. Ouais. Moins barré que les jeux LucasArts, mais quand même dur. C'est le dernier jeu vidéo que j'ai fait. Non, mais enfin, je. C'était en 1998. Je suis désolé pour le pauvre Asto, parce que ici, dans les invités, je crois qu'au niveau jeux vidéo, on est à peu près du même niveau. Oui. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que moi, c'est jeux vidéo et manga. Mais parce que ouais, que ce soit Siberia ou Myst, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. Pareil. Alors Siberia, donc on va y arriver. Mais Siberia, parce qu'il est pas tout récent, Siberia. Non, 2002. Siberia, parce que 2002. De mémoire, enfin tout le monde en parlait à cette époque-là, parce que graphiquement, il était apparemment magnifique. Il était très très beau. Artistique, quoi. C'était des décors faits par Besançon Sokal, donc. C'est un truc qui se passe quasiment tout le temps dans la neige. En Russie, non. Alors, il y a des mécaniques et tout. Alors Siberia 1, tu démarres. Tu démarres, comment ça s'appelle le... C'est genre un peu steampunk. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc steampunk avec des mécanismes d'horloge. De mémoire, je sais que des robots, des automates. Je sais plus comment ça s'appelle. La ville de départ, tu es dans les Alpes françaises au tout début du jeu. Ah oui, c'est vrai, c'est là que tu découvres. Et tu vas jusqu'en Sibérie. Tu vas interviewer quelqu'un dans le En fait, dans le 1, bah écoute, je vais te donner le pitch. Hein, donc, Siberia, qui date de 2002, venu en Europe pour racheter l'illustre usine d'automates Vorarlberg. Kate Walker, une jeune et brillante avocate new-yorkaise, verra bientôt son destin bouleversé. Anna Vorarlberg, la propriétaire de l'usine, vient de décéder. Son frère et unique héritier, Hans Vorarlberg, un inventeur de génie, a disparu il y a des décennies, quelque part entre les Alpes et la Sibérie. Kate se lance donc sur la trace de cet homme énigmatique afin de conclure l'acquisition de l'usine. Mais dans son voyage d'ouest en est, elle découvrira et comprendra progressivement les raisons qui ont poussé Hans à se lancer dans une quête sans retour, au point d'en oublier ses motivations matérialistes premières. On va goûter de la fraise un peu. C'est trop de la fraise, comme disait... Donc tu as incarné effectivement une jeune avocate new-yorkaise qui a une carrière brillante et tout. Et en fait, au fil de ton aventure, tu vas, elle va complètement oublier ses racines, tout, et se laisser porter en fait par cette quête qui n'a pas de fin, qui n'en finit pas jusqu'à la Sibérie, jusqu'à une terre où il y aurait hypothétiquement encore des mammouths. Donc ce Sibéria, à la recherche de Hans Vorarlberg, un inventeur de génie qui est très très vieux, mais qui a laissé derrière lui des tonnes et des tonnes d'automates et de machines dans le style plus farfelu les unes que les autres. Et donc tu es dans une aventure point and click, mais à ce moment-là tu es à la troisième personne, alors que sur la mer zone tu es sur une vue à la première personne. Et donc c'est quelque chose, enfin tu es sur quelque chose de beaucoup plus simple. Sur Sibéria, c'est un jeu que tu finiras sans les solus. Même si des fois tu peux rester bloqué un moment, tu te dis putain, merde, c'est ça. Myst, moi je j'essaye même pas de le faire sans les solus. Sibéria, c'est quand même hyper dur, Myst. Ouais, c'est chaud, même Sibéria, c'est chaud. Sibéria, c'est chaud, mais ça se fait, honnêtement, ouais. Ça se fait. Je vais pas faire. Et dans le premier Sibéria, je sais plus comment ça finit, je crois que tu finis par retrouver Hans. À la fin du 1, tu finis par retrouver Hans et tu décides à ce moment-là de partir avec lui sur sa quête vers le Sibéria plutôt que de revenir à New York. Parce que quand t'avances, tu as ton employeur qui arrête pas de t'appeler pour te dire « Putain, qu'est-ce que tu branles ? Compte plus vite cette affaire et reviens, patati, patata. » Enfin, il se passe plein d'événements avec tes proches, ta famille. Un employeur, quoi. Voilà, il y a ton employeur, mais pas que, il y a aussi ta famille et tes amis proches qui t'appellent et il se passe plein de trucs. Tu vas traverser dans différents paysages, tu pars des Alpes, tu t'arrêtes tu arrives à une espèce d'université dans laquelle la gare est une volière magnifique et resplendissante. Ensuite, tu te retrouves dans une espèce de station très URSS en fait, où c'est vraiment tout en métal, et t'as un géant de fer avec un marteau et une faucille. Pour finir le 1, tu es au bord d'un lac ou d'une mer, je ne sais plus, dans une espèce d'hôtel. Ça fait un petit peu penser à Bilal. Ah ? À Bilal, le dessinateur de BD avec qui Bilal. Ah, d'accord, ouais. Il y a une de mémoire, la pochette de Sibéria, je crois que ça faisait un fond blanc avec juste un visage ou quelque chose comme ça. Tu avais juste le visage de Kate, ouais. Tu as peut-être le visage d'Oscar et un mammouth sûrement. Ouais, je crois. Et un train. Tout ton voyage, tu le fais en train. Tu pars des Alpes françaises avec le fameux automate qui s'appelle Oscar, qui est le pilote du train, enfin qui s'occupe de tout dans le train en fait. C'est lui qui fait contrôleur, qui fait pilote, il fait tout en fait. Et enfin, c'est un personnage à la fois très agaçant et très attachant en fait, dans l'histoire. Rajoute le jeu. J'ai fait la même et je suis tombé sur. sur la Sibérie quoi. Ouais. Bon, rajoutant le jeu, t'as tout. Ah non, c'est pas du tout l'image que j'avais. J'avais une image beaucoup plus. Il y a même eu un 3. Ça fait quand même penser à Bilal. Non, c'est pas du tout l'image que j'avais. C'est peut-être le 3 que. La pochette du 3. Ou là, t'as juste le personnage de 3K. Ouais, mais enfin. Oh ! Pardon. La pochette du 3, c'est ça ? Oui. Ouais, mais c'est ce que j'ai trouvé, mais enfin, c'est vraiment pas. Ah, mais attends, je l'ai mal écrit, c'est peut-être ça aussi. Non, pardon. Cyber. Ria, gnagna. C'est bien, t'as des ragnagnas comme je dis. Bah quoi? Donc voilà, ça c'était en 2002. En 2004, on a eu droit à la suite de Siberia avec Siberia 2. T'as compris, ça y est? Non. Le retour de couche. Donc la suite de Siberia 2 où on continuait le périple cette fois avec Hans Vorarlberg donc là elle avait plus ou moins abandonné un petit peu toute sa vie pour aider Hans à retrouver donc les mammouths. Hop donc nouveau. On dit pas les mammouths, on dit les mammouths. Les mammouths. N'a pris une bébelle. Tu vas faire bobo. Tu as perdu ta mammouth. Mammouth. À faire papam. Donc en 2004, Siberia 2, la suite des aventures de Kate Walker, où on va rencontrer le peuple Yukol, qui sont plus ou moins des Inuits. Ouais. Et on va comme aller... les nouveaux TGV. Oui. Voilà. Avec un T à la fin. Putain, mais oui. Oh, putain. Oh, ce viol. Oh, ce viol. Je me sens mal. Je t'ai mis un tadoum comme ça. Oh, je me sens. Ah, je me sens. Ah, je me sens sali là. Ah, je me sens sale. Après, en 2006, on a eu le droit à Paradise. À Paradise, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais le faire. De Coolio. Non. Toujours non, ça, c'est Gangsta Paradise. Ah, pardon. C'était de Coolio, les couilles, mais haut. De Coolio Iglesias. Ah. Le pédophile. Lâche-moi le canard. Ah, tout ça, quoi. Donc, Paradise, même esprit, point and click, exactement la même mécanique de jeu. Mais nouveau pitch en fait. Décorum. Pas du tout, on change complètement d'univers. On incarne la fille du dernier roi de Mauritanie, en exil dans un autre pays et qui reçoit une requête de son père mourant. Ce dernier souhaite voir sa fille une dernière fois. Malheureusement, votre avion s'écrase au nord du pays, non loin d'une ville tombée aux mains des rebelles. Ah. Je préfère la parodie de... Merde, celui qui fait plein de parodies de clips comme ça. Je sais, là il est en juif. Show me your genital. Il est en juif et puis il parle comme ça, comme Gangster Paradise. C'est marrant. Je sais plus qui c'est. El Tongue. Non, c'est pas El Tongue. C'est pas grave, du coup, El Tongue. Donc Paradise, donc c'est même, même style de jeu, mais un univers différent. Donc on est dans un univers. Donc on est en Mauritanie, donc un truc plus oriental. Une ambiance plus orientale avec beaucoup de sable. Tu nous les vends mal des jeux. Franchement, moi j'aurais dit c'est un univers post-apo. C'est à mi-chemin entre. C'est le Metroidvania du siècle. C'est un roguelike. La parodie de Gangster Paradise, c'est Amish Paradise. Amish Paradise. Mais elle est hyper connue. Oh putain, j'ai pas vu. Ça me dit rien. Regarde, c'est ça. Tu l'as forcément. Mais ça n'a rien à voir avec les juifs. Ah, mais les juifs. Les amis, je sais pas dire. Ah, mais tu me fais lever. Mais tu me fais lever là, mon coco. T'as toujours... confondu avec Jewish. Jewish Paradise. Parce que j'ai toujours la vision du chapeau avec la barbe et les tresses. Ah oui, c'est pas Yann. Ah, mais si, c'est Weird Al. Ah, mais tu m'as fait lever. Mais je vais claquer là. Oh, l'eau de ville au-delà haut, en forêt. Véronica No Sound. Véronica No Sound. Oh putain. Oh putain, tu reprends, je comprends. Ouais, je reprends. Donc Paradise. Et il y a Pépé qui nous a... Oui, c'est ça. Putain, c'est un génie ce Pépé. Hein. Il est fort, Pépé. Pépé, si tu nous écoutes... Ah, mais c'est déjà... Ouais, t'aurais dû venir, t'aurais dû être là, toi. Oh, je t'aurais dû aller... Quoi? Soon Pépé dans... Soon Pépé in the Apéro. C'est juste 8 heures de bagnole. Ouais. Oh, ça va. Mais pour se faire taper au fond, par exemple. On peut s'arranger pour que ça lui fasse mi-chemin. C'est quand même pas cher, je crois. On va à Poitiers. On fait pot de Poitiers, quoi. Non, pot de Limoges. Ouais, pot de Limoges. Pot de Thiers. Pot de Thiers. Pot de Thiers. Pot de Moges. Pot de Moges. Pot de Moges, ouais. Mais sinon, on ou Limcast. Ça s'appelle la ville quand on passe pas. Ouais, Limcast avec Nathalie Dormeur, c'est bien ça. Elle est en Europe. Ah, mon temps, Je t'annonce, ça. Les potes de. Pot de. Il n'y a pas intérêt qu'elle passe que ce soit fini en quart d'heure. Ce serait un peu déçu sinon. Pot de Neuzac. Pot de. Je te retrouve ça. Vas-y, on se retrouve ça tout de suite. Sinon, on va en Aveyron et on va au village de Nus. On dira, on est en direct d'Anus. Ouais. On est en direct à Nus. Ta mère habite à Nus ? Ça, c'est un vrai village aveyronnais. Toi aussi, t'as du mal à aller aux toilettes ? T'habites à combien de kilomètres de Tours ? Oh, beaucoup. Donc. Pot dans sac. Vas-y. Pot dans sac, c'est ça, pot dans sac. Pot dans sac. Pot dans sac. On peut faire le pot dans sa caste. Pot dans sa caste. Oh, c'est trop dur. Bon, voilà. Langon et Bordeaux. Donc voilà, ça c'était ah, c'est pas loin de chez 2006. Avec des phases de jeu où tu joues la fille, des phases de jeu où tu joues une panthère noire. Ouais. Black un cougar, quoi. La panthère noire, le héros chez Marvel ou. Le roi du Zakanda. C'était Manimal, c'est ça très non, le roi du Zakanda. Ouais. J'étais panthère noire dans une vue antérieure. Moi, je suis collé comme une bise. Un an plus tard, un an après Paradise, on a eu droit à un autre jeu de Bouddha Sokal, oui, L'île Noyée. Ah, mais oui. Ah, ça, j'avais zappé. C'est le seul local je n'ai pas joué. Donc, dans L'île Noyée, on incarne Jack Norm, un policier envoyé sur l'île de Sagora pour élucider la mort de Walter Jones, un richissime homme d'affaires tué sur l'île où il avait prévu de prendre sa retraite. Coupé du monde par une terrible tempête, Norm va devoir enquêter sur des éléments dont il dispose. Le coupable fait partie de 10 personnes bloquées sur l'île avec lui. Je sais qu'il y a différents modes de jeu sur l'île Noyée, dont un où en fait il y a une sorte de tempête. Ils sont sur et donc le jeu porte le nom d'île Noyée parce que en fait le niveau de l'eau monte et donc au fur et à mesure tu as des pièces de du manoir dans lequel tu te trouves qui se retrouvent inondées et auxquelles tu n'as plus accès. Et donc tu as ah d'accord ça me que le titre me dit quelque chose mais et donc en fait ça time un petit peu ton aventure. Et au bout d'un certain temps, ben, soit tu as découvert le. Ça m'a fait passer au jeu qui est sorti récemment, Sexy Brutal, c'est un peu le même. Mais c'est un jeu, c'est pareil, c'est un jeu à timer. D'accord. Selon les heures où tu es dans le manoir, tu peux aller voir certaines personnes. Parce que c'est un jeu, en fait, où quand tu perds, tu reviens dans le temps, au début de la journée. Et mais tu peux quand même. Encore un jeu auquel j'ai pas joué, mais que je connais. Life is Strange ou. Life is Strange. Ouais, mais ça, y a pas une histoire comme ça de remonter dans le temps. Ouais, mais tu reviens dans le temps, là. Tu peux remonter plus loin, je pense. Tu peux remonter plus loin, il y a une mécanique. En plus, je l'ai le jeu parce qu'il était gratos sur le PSN, mais j'ai toujours pas joué. Oh. Tu peux remonter dans le temps un tout petit peu. Mais Sexy Brutal, c'est plus. Tu peux. Il y a des moments où elle remonte dans le temps, et au bout de l'épisode 3, je crois, où elle arrive à remonter dans le temps en regardant une photo, et elle remonte au moment où a été prise la photo, en fait. Oui, voilà, c'est. Oui, ouais. Moi, je dois le faire, ça fait que déjà quand même le temps. Surtout que là, sur le PSN, ce mois-ci, il y avait le DLC qui était gratos. Ouais, je sais. Ce mois-ci, tu veux dire. Au mois de juin. Oui, il y a 3 mois, pardon. Il y a 3 mois, c'était gratuit. Non, Life is Strange, moi j'ai beaucoup accroché Life is Strange. Sauf pour ceux qui l'ont pas. Life is Strange. Sauf la fin où tu n'as que 2 fins dans le jeu. Ça cache un peu. Il faudrait que je me le. Enfin, je les ai, il faudrait que je les fasse. Une vraie fin et une fin qui sert à rien. Une fin carton. Il y a une vraie fin où tu chiales et une fin qui sert à rien. Une fin en carton. Une fin. Une fin qui sert à rien, moi je chiale. Ouais, un tout seul, c'est vrai que c'est pas. Alors que Nathalie Dormer qui sert à rien. C'est pas possible. Ah, j'irai pas plus loin. Donc voilà, donc on était à 2007. 2007. 2007, L'île Noyée. Et 2017, 10 ans plus tard. Meanwhile, quoi ? Tu veux des galaxies ? Oui. Donc 2017, bam ! Siberia 3. Siberia 3, Papa ! On n'a pas fait de financement participatif, quoi, Bobo ! Du tabère ! In the place. The place, Kate Walker, he's coming, he's Nick Tamer. Là, sur le visuel, elle a quand même. C'est plutôt. Elle a pris cher. Le reboot de Lara Croft qui a des airs du personnage de Siberia. Ah non, le reboot de Lara Croft, moi je. Eh ben. Kate Walker, ouais, elle a des airs de Lara Croft et elle est doublée par Françoise Cadol. Ah, t'as. Alors, j'essaie de récupérer les points. Le nouveau design de Lara Croft, donc Siberia est plus vieux du coup. Ouais, Siberia, oui, quand même. Mais pas le 3. Siberia. Ben si, parce que le premier reboot de Lara Croft, il date d'il y a combien 4 ans maintenant. C'est bien possible, oui. Ah non, c'est pas lui qui l'a fait. J'en avais parlé dans le numéro, en français. Ouais, ça va faire des choses comme 4 ans. C'est Jonathan Blaze qui a fait la BD du Collector. Il a fait pas. Alors, il voulait lancer une BD à une époque sur Lul, ça malheureusement, c'est un peu capoté. Mais il a fait pas mal d'artbooks. C'est lui qui a fait par exemple la litho. Enfin, la litho, oui, c'est la lithographie. Oui. La lithographie pour le Persona, le livre de Persona chez Third. Il y a eu d'autres, il en a fait. Il a fait, je crois, que le masque. Non, le masque. Si, ouais, non, carrément, il y a des. Enfin. Ils ont trompé sur le personnage de Siberia hein, pour le reboot hein, de Tomb Raider. Ouais. Là, le visuel là, clairement. En plus. Ouais. Moi, ça me plaît. Moi, bah, même dessin, mais j'aime tout bien. À gauche. Oui. Hein. J'aime bien. Ouais, enfin là, c'est. Là, il y a sorti une BD en plus derrière. Ah, voilà. Moi, j'ai plus sur le. Tu regardes, en plus, tu regardes le dernier, la Rise of Tomb Raider, à un moment, elle a quasiment la même tenue, quoi. Ouais. Ah ouais, mais je vais te faire des recherches pour comparer. Alors, par contre, pour savoir si le truc avec Tomb Raider Plus, en ce moment, est-ce que c'est fait violer? Est-ce qu'elle s'est fait violer? C'est juste pour savoir. Ça, l'histoire ne le dit pas. On dirait Rasputin, lui. Rasputin, tout le monde, il a une grosse machine. Docteur Ilmout. Et bien, il fait penser à Rasputin de Hugo Pratt. Donc voilà, donc à la sortie de à l'occasion de la sortie de Siberia 3. Tu m'étonnes, c'est ça, il y a que des trucs. J'ai donc acheté la collector. Le collector est sympa. La collector de Siberia 3, donc je vous ai ramené quelques éléments, donc l'artbook et c'est beau, hop, le comics. Le premier chapitre du comics français anglais. Hop. Il y a également deux je crois qu'il y a également quelques illustrations en format. C'est trop de la fraise. Comme ça. C'est pas très audio. Mm-hmm. Il y a un marque-page et il y a également une statuette de 18 cm. Où on 18 voit... cm, c'est. Oui. Pas comme ta bite. Bah, enfin, non, puisqu'il empile des mouches donc. C'est pas très grave. Oui, pas comme ça bite. C'est vrai. Ouais. Moi j'ai récupéré Nathalie Norbert, t'inquiète pas qu'elle arrive. Bah, ça sentirait pas grand chose quoi. Donc une statuette de Kate, où elle est en train de Kate. De contempler. Kate. Où elle est en train de contempler son pendentif. Mitchell God. Je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est son pendentif, mais elle a un pendentif qu'elle est en train de contempler, et autour d'elle il y a des espèces de morceaux d'automates. Automates. Non, en fait, tu me donnes envie de m'y mettre à ce jeu. Je vous ai pas ramené la statuette parce que bon, c'est fait pour. Bah, soit que il pèse une tonne déjà. Non, parce que c'est des jeux, si derrière j'en ai toujours entendu parler et jamais sauté le pas quoi. Alors, mais les 1, 2 et 3 ils se trouvent sur PS4 maintenant c'est dur, ou PS3? Oui, je crois, ils ont fait une ressortie du 1 et du 2 sur PS3 au moins. Mais c'est dur à jouer. C'est très dur, moi. Je voulais ramener autre chose, tant pis. Je ferai ça demain soir. Oh, tu vas nous montrer des trucs. Mais c'est pas très hors de. Ouais, bref. Bref. Il faudra stay tuned sur mon flux Twitter. Ah, voilà. On fera un append double. Voilà. Dans il est d'accord avec moi parce qu'il comprend rien. Dans le boîtier où il y avait donc le DVD avec le code Steam pour télécharger Siberia 3, j'avais également un code pour Siberia 1 plus Siberia 2. Ouais, parce qu'ils croient qu'ils sont sortis en HD. Ouais, que j'ai déjà sur Steam. Et je voulais le prendre pour faire un petit giveaway et je l'ai oublié, donc je le balancerai demain soir. Bien. Sur Twitter, premier arrivé, premier servi pour récupérer Siberia 1 et Siberia 2. TP, si tu nous écoutes. Voilà. C'est pour ça que je disais. Les deux premiers, j'avais vraiment accroché dessus. C'était vraiment de la. Enfin, c'était, je trouvais vraiment ça super. Siberia 3. C'est daté, plus, hein. Plus délicat. Daté, hein. Il fait daté. Hein. Ouais. C'est ça qui est malheureux, c'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu 13 ans d'écart entre Siberia 2 et Siberia 3. Le jeu essaie de te faire croire qu'il n'y a pas eu 13 ans en fait. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu mal aux dents quoi. Les 13 ans d'écart fait un petit peu mal aux dents. Et il n'y a pas que ça. Il y a le long temps que ça a pris au développement. Ah, très long, ouais. Très très long. Qui fait que. Très ans. Ah, Pépé, il est là. On t'embrasse. Si J81 t'accueille. Le gameplay, ils ont changé le gameplay. C'est pas moi, je me suis approché de la tablette. Hein. Sur la première version de Siberia 3, ils ont changé le gameplay pour que ce soit beaucoup plus facilement jouable à la manette. Ah oui, on va des suites à puce. Donc on n'est plus sur du point and click, on est sur du déplacement en ZPSD ou avec une manette Xbox. Ah, à noter que Pépé disait non, mais ça fait 2 minutes que ça parlait pas d'enculade. Non, je m'inquiétais. Mais si, ça parle d'enculade. Et en fait, le souci c'est que les déplacements au clavier c'est pas possible, c'est trop rigide. Hein. Mm. Tu vois, ça parle d'enculade. Hé, hey, la mouche, barre-toi. Et par contre, le déplacement à la manette, ça va. C'est pas trop dégueulasse. Par contre, la résolution des énigmes à la manette, c'est une enfer pas possible. Une corvée. Non. Donc, il faut faire un combo clavier-manette. Ouais. Moi, je fais tout. Claviette. Ça s'appelle une claviette. Je faisais tout à la manette. Déjà, quand t'as des jeux, c'est des claviettes, déjà, ça pue un peu quelque part. Je faisais tout à la manette, même si c'était galère. Pour les énigmes, elles ne sont pas non plus trop compliquées, mais c'est vrai que c'est merdique. Il faut que je me Certains trucs qui sont vraiment merdiques pour la manette. Les déplacements aussi, c'est pas non plus super optimisé à la manette. Et donc après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de hype sur le jeu qui est monté pendant 13 ans, et au moment où il est sorti, c'est un soufflet qui est complètement retombé. Tout le monde a dit ouais, non, mais en fait, il est pas si bien que ça. Enfin, il s'est topé des notes très moyennes, 13 sur 20, des choses comme ça. Graphiquement, en plus, il a chargé. Hein. Graphiquement, il est un peu chargé. Il y a des trucs qui vont pas. La synchro labiale qui. Elle est en fraise, problème. Elle est très bien sur Kate. Tu veux une fraise sur les autres Mais sur les autres personnages, la synchro labiale sur les autres personnages, elle est absolument affreuse. Il y en a pas. Ouais, il y en a pas. Il t'en a dire qu'il y en a pas. Voilà. Et donc après 3 mois après la sortie du jeu, où les joueurs ont gueulé comme pas possible. Il y a eu un gros patch. Il y a eu un gros patch. Ils ont fini par céder et donc sortir une version 2.0 où tu peux jouer en point and click. Tu peux déplacer ton perso en cliquant. À l'ancienne, à la Sibaria 1 et 2, donc tu cliques une fois, le personnage se déplace, tu cliques deux fois, il court. Hashtag, c'est un peu tard. Voilà, je l'ai testé. Ouais, c'est un peu tard. Je l'ai testé vaguement. Il me semble qu'il soit augmenté aussi la vitesse de course. Il me semble qu'il court un petit peu plus vite qu'avant. Parce que vraiment. Ramé. En marcher, t'avançais pas. Courir, bon, t'avançais, mais. Allez, mamie pas. Allez, mamie. Maintenant, j'ai l'impression que quand tu cours, c'est un accéléré le jeu. C'est un peu ça. Mais c'est pas plus mal. Oui, tu m'étonnes. La résolution des énigmes reste quand même assez galère, je trouve, hein, pour certains trucs. Les commandes au clavier ça me plaît pas, du coup je joue déplacement à la souris et le reste je fais la manette au final. Je vais la mettre dans une main, la souris dans l'autre. Mais avec la version 2. Avec la version 2, ouais. Donc ça va plus vite. Non, clairement. Donc, j'ai récupéré là ce que je te disais, là, j'ai récupéré des visuels là, du dernier Tomb Raider, ouais. Enfin, c'est clairement pompé sur les visuels de Siberia. Ah, oui, ils sont allés chercher loin pour rebooter la série, ça en avait besoin. Mais c'est comme Star Wars, ils ont pompé sur Valerian, quoi. Vous avez vu le film? Mais il est pas encore sorti. Non, il est pas encore sorti. Ah oui, non, j'ai pas encore eu le temps, mais ça va pas tarder. Franchement, j'ai adoré, quoi. Oh là là, la classe, quoi, la claque. Il est sorti au mois de juillet. Ah oui, c'est vrai. Sur mon avis de Valérian, je reste mitigé. Moi, je suis tombé sur la sexe de Nathalie Dormeur. Luc Besson. Quel chef-d'œuvre. Ne se prononce pas. T'as vu, j'avais bien planqué la caméra. Voilà l'incurie, elle était là. Oh, je me désolidarise de ce podcast. Tu veux pas, c'est pas possible, c'est ton podcast. Ah non, c'est le mien d'abord. C'est ton podcast. Mais t'es solidaire. Alors moi je prends la dent de la sagesse entre les mains là, et je dis de la merde. De la merde, de la merde, de la merde. À toi. Et donc voilà, donc je n'ai pas fini à l'heure actuelle de Siberia 3. J'en suis pas loin de la fin. Putain, il est assez long quand même. Ouais, au mois de septembre, peut-être que fini d'ici là, je sais pas. Au moment où on enregistre, j'ai pas encore fini. C'est vrai que c'est pas un jeu auquel j'ai beaucoup moins accroché que les deux premiers, ce qui fait que j'ai un peu de mal à me dire, ouais, allez, je vais lancer Siberia 3. On sent le pot de l'héritage, quoi. Voilà, j'y joue une demi-heure, puis je me dis, non, mais en fait, je me fais chier, je vais plutôt aller jouer à autre chose. C'est ça. Et tu veux jouer à quoi dans ce cas-là? Ou à League of Legends. Ou à World of Warcraft. Je vais regarder des cosplays de Sunday. Ouais, ou alors je vais regarder des cosplays de Sunday. Et après, hop, tu fais des papas saumons. Ne mens pas! Il n'y a pas de rivière chez moi. Alors, vous avez un mot pour les auditeurs concernant l'impeachment de Trump en juillet dernier. Tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, là? Bien fait pour sa gueule. Emmanuel Macron, président des États-Unis, c'est quand même de la gueule. Et Coffé-Fé. Coffé-Fé. En fait, ça voulait dire ça, Coffé-Fé. Ouais. On ne savait pas, hein. Mais putain, là, franchement, quoi, ça prend tout son sens. Eh, non, mais barrez-vous les mouches. On se refait en rire les mouches. voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur, bon, sur ouais, Benoît Socal et Siberia 3. Canardo. Canardo, de la balle. Inspecteur Canardo. La balle. C'est hyper bien dessiné, quoi. C'est vraiment un sacré dessiné. Mais il a fait pas mal d'autres trucs aussi. Oui, il a fait d'autres trucs. Ouais, je sais qu'il avait fait un truc avec l'Amazon. Oui. Moi j'avais vu un truc sur l'Amazon avec le continent. Mais la Panthère, oui. C'était un supplément pour un jeu de rôle sur table. Peut-être aussi, je crois. J'en sais rien du tout. Je sais qu'il avait sorti une BD en même temps avec la Amazon. Et donc là, voilà, hop, il y a un comics qui débute. Donc, Jonathan Blaze. Dont j'ai le chapitre 1 dans la version collector. Donc un comics Siberia 3. Donc en fait. Ça fait très penser à la raconte. Ce qui est fou. Honnêtement. J'avoue que je l'ai pas encore lu. Mais voilà, le comics commence au début de Siberia 3 où tu te réveilles dans une espèce d'hôpital accompagné d'un jeune Yukol amputé de la jambe. L'espoir. Voilà. La joie de vivre. Et les mouches, attention, hein. Elle en a marre. Les mouches, va falloir arrêter. Il n'en peut plus, Gandalf, va falloir vous enculer, il est usé. Arrêtez. Du coup, drop the mic. Bah du coup, on va passer à... Non, du coup, putain. Je pense que je me tapote la narine avec le nez, mais je pense que ça va être une enculerie encore de Monsieur Gandalf. Il dit que c'est un quiz, mais... T'as déjà mal au cul, mais... Je soupçonne quand même avoir une petite partie... Oui, bah il y en a toujours un peu, tu me connais. Toujours un peu, voilà. Ouais, il n'avait pas un grave. Ouais, voilà. J'ai fait un coup, j'ai passé le bordel. Maman a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Donc, pour info, le générique vient de la série... Man Seeking Woman. Et oui, comme on ne l'avait pas trouvé, voilà. Lors de l'épisode 8.1. Et autant te dire, on est beau être au mois de septembre, lui, il a toujours pas trouvé. Bon, j'étais à l'intro, donc sans l'intro, vous avez déjà eu droit au 8.2. Hein, les nazis qui feront. Oui, c'est bon. Voilà. Les 6 blancs hétéros, trop content de ça bien. Donc en fait, je vais vous faire. Alors bon, il y a une petite partie dossier parce qu'à la fin, je me suis pas emmerdé. J'ai pris que les titres d'émission pour vous faire deviner que c'est. Pour faire trouver quand même qu'il y a des trucs. Les gars s'emmerderont pas trop. Mais au début, pour commencer, en fait, je vais vous faire les titres. C'est un dossier global sur les titres d'émission de merde. Et au début, il y a quand même un peu de réflexion quand même. Ça y va. Ouais, donc, ça y va. Et j'ai l'impression que je vais pisser dessus. C'est quand parce que c'est à toi. Allez, aller pisser avant. On meublera quoi, c'est pas grave. C'est parce que j'ai bu. Bon bref, on va faire les titres d'émissions de merde. Et pour commencer, je vais vous parler des émissions. Alors c'est entre guillemets merde hein, parce que j'ai pris large. C'est National Geographic Channel et RMC Découvert. Ouais. Les deux meilleurs. Il y a si, il y a numéro 23 qui se. History Channel. Ouais. Oui ça. Donc par exemple, si je vous dis par exemple les deux premiers, c'est un exemple, hein, c'est pour vous faire comprendre à peu près la thématique du dossier. Bon, on aura vite fait non. Ah, quoi que c'est un dossier. Ah pardon, du coup, on va y arriver. Si je vous dis Americars Fantastic Impala, est-ce que ça existe ou pas? Oui. Non, il y a plusieurs possibilités. Oui, non, oui et non. Ne se prononce pas. C'est-à-dire que oui et non, ça veut dire que le titre, c'est pas possible. C'est genre très jolie voiture. J'ai enculé Nathalie Dormeur. Toi, là, par exemple, tu sors rêver la. Ah, main. Ça existe. Ah oui, elle est venue chez moi, dans la Saxo, bim. Personne ne le sait, mais Bibi le sait. Bibi le sait. Ça n'a pas été filmé. Et Nathalie le sait aussi. Nathalie le sait. Nathalie ça, aussi. C'est ça qui... Depuis qu'elle est en fauteuil roulant, quand même. Elle a beaucoup. Nat is a rare. Ouais. Donc, par exemple, si je vous dis Americars, Fantastic Impala, est-ce que ça existe ou pas? Non, ça n'existe pas. Moi, je dirais que si. Mmh. Americards, ça peut exister. Mmh. Moi, je dirais que c'est le oui et non. Mmh. Mais en fait, c'est oui. Mais ça existe. D'accord. Et maintenant, je vous refais par exemple Americards, la sublime Morissette à la Nice. Bah non. Non, en fait, je me suis trompé, c'est America. America, c'est la sublime ça, Morissette rien. À la Nice. Ah non, c'est Camoulox. À la Nice Morissette. Mais non, il y a un jeu de mots parce que c'est Americards. Ricard. Ah, Ricard, putain. La sublime Morissette à la Nice. Ah ouais, Bastis, quoi. Très bien. Yeah. Non, ah, mais j'ai jamais dit que ça serait. On est sur le troisième. Et alors, du coup, ça, on doit répondre quoi? On doit répondre oui, non, peut-être. Oui, non, ou ta gueule. Oui, non, ou ta gueule. Tu dis ta gueule, c'est ta gueule. Allez, ta gueule. Il en reste un peu là-dedans parce qu'il va me falloir du carburant pour tenir avec un coup. Non, mais il y a de la poire. Ouais, non. Il y a de la poire. Ah, putain, les bouches, elles me mordent. Il reste de la Kings, bro. À la rigueur, ouais, non. Si tu veux, reste de la poire. Merci. Hein là, reste de la poire quand même. Non, mais c'est déjà trois fois que je dis non pour la poire. Mais il reste de la poire. C'est sûr, il reste de la poire. Sinon. Ouais. Tu peux faire une poire ou coca. Ah, non. C'est un bon cocktail. Par exemple, je vais vous proposer Titan des mers, le sous-marin du World Trade Center. Oui, non. Non, oui, non. C'est Titanic. Oui, non. Non. Parce que le sous-marin du World Trade Center, déjà, il n'y a ta pas gueule, de World Trade Center. Dire ta gueule. Mais on doit faire quoi? On doit trouver si c'est oui, non ou peut-être. Mais à quoi? Au titre qui dit. Et c'est un titre de quoi? Un titre d'émission qui existe. Est-ce que c'est un titre d'émission? Non, ça n'existe pas. RMC Découverte. Moi, je dis ta gueule. Moi, je dis ta gueule, donc toi, t'es oui, non, c'est ça, ta gueule. Et toi? Ta gueule. Ta gueule. Bah, en fait, c'était oui. Ah, merde. En fait, ça existait. En fait, si vous voulez, c'est un navire américain qui a été appelé l'US New York. Et du coup, c'est un rapport avec le World Trade Center. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé US New York, en fait. Parce que si tu veux, ils donnent pas des noms. Ils donnent rarement des noms à. Ils donnent soit des noms d'événements, soit des noms de présidents décédés. D'accord, oui. Donc t'as le US Ronald Reagan. Bush qui est mort, Kennedy. Ah, toi aussi, ça m'est arrivé tout à l'heure aussi. Là par exemple. Alors, fait des protéines. On laisse Milou boire, comme ça permet de faire durer le podcast. Non, mais t'avais qu'à prendre de la poire. Elle est restée collée dans la mousse. Prisonnière de la mousse. Par exemple, si je vous propose l'émission Chiasse à haut risque. La mouche, pas la mousse. Non, c'est Chiasse à haut risque. Non, dans la mousse. Attends, elle est restée collée à la mousse. Laissez-moi finir. La mousse, c'est quoi? Mais laissez-moi finir. Si je vous propose l'émission Chiasse à haut risque, il n'y a plus de PQ. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, vous avez raison. Là, je te dis, tu te fous de notre. Je vous propose l'émission Invasion Redneck. Ça existe. Ah, ça existe. Il y a pas de réseau pour le tatou. Ouais, ça existe. Oui, ça existe. Ah bah non, ta gueule. Parce que le deuxième truc, non. Ça existe pas du tout. Enfin, à mon avis, ça existe pas du tout. Je vous propose l'émission Game of Stone. Pas avec Nathalie, du coup. Enfin, ça dépend. Si elle se met des bijoux dans le cul. Ou dans la chatte, hein, mais je suis pas sectaire. Joyeux Gitan. Non. Game of Stone. Joyeux Gitan. Non. Si, ça fait très RMC Découverte quand même. Le titre anglais. Ah, c'est en fait, c'est le joyeux qui. Enfin, joyeux gitan, non, ouais. Oui, non. Toi, tu dis non? Moi, je dis non. Allez, j'irai peut-être. Peut-être. Moi, j'ai RMC Découverte. Et c'était oui. Sur RMC Découverte. Ah, mais vous voyez, je suis un malin. Sur RMC Découverte ou pas? Ouais. Oui, bon, après, j'ai panaché. Hein. Je suis pour merder. Je vous propose Dassault, 100 ans d'aviation française. Oui, oui. Oui, ça, oui. Je vous propose Dassault 92 ans de vol à la française. Non. Ça c'est Serge, c'est normal. Hein. Je vous propose les bûcherons de l'Outback, un dingo dans le moteur. Je crois que oui. Un dingo? Un dingo. Oui. Moi je pense que oui. Mm-hmm. Ouais. Un chien qui est dans le moteur d'une pelleteuse. Monsieur? Non. C'était non. Ah ouais? Non, parce que je sais qu'il y a des trucs sur les bûcherons. Oui. C'est pour ça que j'ai repris le truc. Ah non, c'est les bûcherons de l'extrême ou je sais pas quoi. Ouais, les bûcherons d'extrême. Ils font tout d'extrême. Hashtag note-le pour plus tard. Des cabanes et des hommes, une cabane pour tous. Non, non. Tous si. Ensemble. Moi je pense que oui. Mmh. Non. Ah. Et c'était oui. Des Canadiens qui construisent des grandes cabanes en Alaska pour toute la famille. Vie ma vie de oui. Gauchias. J'aurais voulu être journalope dans un grand merdia. Non, c'est peut-être. La gueule. Ça me semble totalement légit. Oui. C'est un grand oui. C'est oui. Ah, évidemment, c'était non. Oh, quelle surprise quand même. Ah, bah alors, j'achète. Les rois de la cabane. Rendez-vous avec Francis. Oui. Francis Holmes. Non, mais rendez-vous avec Francis. Je Francis, ah, rendez-vous avec Francis. C'est Francis Cabrel, donc non. Si. Donc, ouais, si c'est pas non. C'est peut-être aussi. Non. Ta gueule. C'est oui. Ouais, voilà. Moi, je vais ta oui. gueule. Ouais, c'est ta gueule, oui. En fait. C'est non, le roi de la cabane, ça existe vraiment comme émission. Une émission qui est plutôt pas mal, d'ailleurs, là, pour ce que j'ai vu. Et rendez-vous avec Francis, Dominique. Non, rendez-vous avec Francis Cabrel. Et je chie sur les cailloux à la cabane au fond du jardin. Moi, j'y vais quand j'ai besoin. Ouais, c'est ça. C'est le charmant trou, entouré de cailloux. Cabane perchée, l'atelier du Père Noël. Ah, ouais, oui. On redit ouais. Cabane perchée, l'atelier du Père Noël. Ça peut. Allez, ouais. Oui. Moi, j'irai ta gueule. Oui. Je dirais oui. Oui. C'est oui. Retour à l'instinct primaire. Belize. Oui. Ou si ça n'existe pas, c'est vachement con. Ouais, peut-être. Peut-être. Toi, tu dis non? Moi, je dis non. Et c'était oui. Ah, les salopes. Retour à l'instinct primaire, Podrenne. Oui. Non. Ta gueule. Ça dit... ta gueule, ouais. Ouais. Ah bah non. Bah oui, c'est ta gueule, en fait. Oui, c'est... moi, j'ai mal... j'ai mal mis, en fait. Oui, c'était ta gueule, en fait. Ces crimes qui ont choqué le monde, l'étrangleur à la cravate. Oui. L'étrangleur à la cravate, ouais. Ça peut. Oui, c'était vrai. Il est notaire, non? Il est notaire. Ah, oh, oh, oh, putain, la cravate du notaire. Ça me rappelle une petite de Cap de Nac. Elle te fait une cravate du notaire, elle, je pense que... Elle te fait manger du fromage. Elle te fait manger du fromage. Ah, pas elle. Quoique, elle, elle te fait une cravate du notaire, tu t'en rappelles, mais une noire et blême, là. Elle te fait une cravate du notaire, mon pauvre. Tu t'en rappelles toute ta vie, quoi. J'ai dit ça, je dis rien. Garage Goal, Mardi Gras. Oui. Avec des chars de... de carnaval. Peut-être. Peut-être. Ta gueule ou je sais plus. Moi, j'ai non, moi je dirais oui, c'est les mecs qui vendent des voitures. Ouais, et c'était oui. Auto en détresse, les mécanos du dimanche, Austin Allegro, une voiture de légende. Oui, peut-être. Oui. Évidemment. Ta gueule. Ta gueule. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non. Parce que l'Austin Allegro, c'est une bagnole de merde. Tout simplement. Voilà. L'Austin Allegro, ça devrait pas exister. J'espère qu'il y a des gens qui auront reconnu le piège avec Austin Allegro. Famille Apocalypse, fuir pour survivre. Oui. Oui. Bah non, c'est pas fuir pour survivre. Ah non, Famille Apocalypse. Non, c'est famille pas ça. Oui, non, peut-être. C'est ta gueule. Ta gueule, oui. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire, mais. Moi je dis rien. Famille Apocalypse, moi je sais pas. Non, non, c'est oui. Ah. Ah, c'est ça, c'est le vrai titre. Ouais. Vendredi, c'est les nazis, les goûts fashion des dignitaires du Reich. Non. Alors, non. Vendredi, c'est les nazis, oui, sur RMC. Ouais. Mais sinon, ah ouais. Mais c'est vendredi, pas ça, c'est pas ça le vrai titre. C'est pas ça le vrai titre. Voilà, c'est très bien, t'as compris. Non, c'était non. Les dossiers secrets du Reich, Hitler et sa passion pour le jeu vidéo. Dans la gueule. Oui. Oui. Oui. Ta gueule, parce que la première partie peut-être, la deuxième non. Monsieur. Moi j'irai ta gueule. Ouais. C'est sa passion pour les jeux vidéo, franchement. Non, en fait, c'était non. Ah. Ça existe. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment. Aquaman, les rois des aquariums, méduse en or. Non. Mmh. Oui. Mmh. Oui. Je pense que oui. Je pense que c'est non. Des mecs qui vendent des méduses. C'est vrai. Non. C'est dégueulasse. Aquaman, les rois des aquariums, legendary. Non. Oui. Ta gueule. Oui. Double feinte. Vous voyez comme quoi, des fois, il y a des noms d'émissions. Tout pourri. Voilà. Les rois de l'auto, une Corvette pour carrosse. Oui. Oui. Une Corvette, ouais, ça peut, ouais. C'est ça, c'est bien. Houseboat, méga péniche. Et pas méga pénis. Oui. Ta gueule. Oui, c'est des gens qui vivent sur l'eau. Mmh. Houseboat. Houseboat. Méga péniche, ouais. Méga péniche, oui. Ça existe. Et en fait, c'était. Ta gueule. Oui. Ah. Non, en fait, il y avait très peu de ta gueule, en fait. C'est quand même du vieux piège, en fait. Les bifleurs du marais. Non. Le non. Gros bout rouge. Oui. Ah, t'as ton rêve, ça, salaud. Non, forcément, les bifleurs du marais, ça existe pas. C'est... Si, ça existe, mais pas en émission. Voilà. Hashtag. Hashtag ALS, si tu nous écoutes. Les sodomiseurs du marais, j'ai la prostate qui se dilate. Non. J'ai la rate qui se dilate. Ta gueule. À force, il faut dire ta gueule. Ouais, j'irais bien ta gueule. Ouais. Ta gueule. Mais non, c'est pas possible. Il peut pas y avoir une émission qui s'appelle les sodomiseurs du marais ou les prostates qui se dilatent. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, même RMC Découverte, non. Trésor oublié, le palais de la bière. Oui. Ouais, oui, oui. Oui. On refait dit. Le trésor oublié, le palais de la bière. J'irai ta gueule. C'était oui. Ouais, c'était oui. Storage War, côte ouest, qui perd oui. Gagne. Oui. Oui. Oui. En fait, c'était non, c'est moi qui ai trouvé. Mais Storage War, oui, ça existe. Hein. Oui, mais Storage War, côte ouest. Ah, donc il fallait... Parce qu'il y en a plusieurs, ouais. Parce qu'il y a Canada, il y a Texas. Ah, fallait dire ta gueule. Et oui. Et non, non, non, non, non. Parce que ça existe là-bas. Ah, tout ouais. Simplement. De l'ombre à la lumière, le podcast amateur. Non. Non. Ta gueule. Mmh. Moi je dirais oui. J'ai c'était ta gueule. C'était ta gueule. Donc de l'ombre à la lumière, ça existe vraiment. Donc maintenant on va passer à un truc. Bon, il y a quand même beaucoup plus de oui que de non. Je vais être très bon, sérieux. Bon, bah non, on va dire oui à chaque fois. Voilà. En fait, je vais vous parler des émissions de réalité scénarisée. Vous savez, les scriptés de réalité. Mmh. Donc par exemple, si je vous dis au nom de la vérité. Oui. Oui. Mm-hmm. Sur TFM. Oui, c'est les trucs des tribunaux là. Ouais, c'est un peu ça. Oui, ouais, c'est les faux vrais trucs mis en scène, mais avec après le parti documentaire où ils sont face cam en train de commenter. Face cam. Moi j'aime les face cam. Les facecam. Et pas les facecam. Même devant le visage aussi. Les facecam, maintenant. Man with a mission. Bref. Si je vous fais dans la tête du tueur. Oui. Dans la tête du tueur. Ça, ça fait un truc énergie 12, ça, genre crime. Et ça existe, donc voilà, vous avez trouvé. Mais c'est sur Discovery Channel. Ah. L'école de la vie. Oui. Non. Non. Oui. Eh bien, c'était non, c'était moi qui l'ai inventé. Dernier recours. Oui. Dernier recours. Oui. L'agence touriste, c'est vrai. Non, mais genre une émission avec Julien Courbet. Dernier recours. Oh, dernier moment. Oui. Oui. Tu dis oui. Oui, je dirais oui. Ouais. Bah c'est vrai, c'est sur France 2. Face au doute. Oui. Voici. Reboot. Non. Reboot. Non, dans le doute, reboot. Dans le doute. Ah ouais, mais face au doute, pareil. Hein. Face au doute. Et quand le doute t'habite. Et t'habites oui, à combien non, peut-être, je sais pas. Ah, ça tend. Donc face au doute, c'est oui. C'est oui. Face au prout. Non. Non. Ah, bah ça je l'ai rajouté, c'est qu'à tes cadeaux. Ça existe pas forcément. Le camping des secrets. Le pacte des proutes, ça existe ou pas? Oui. Le pacte des secrets. Non, le camping. Le pacte des proutes. Le camping des secrets, oui. Bah c'était non. Hollywood Girls. Oui. Ça c'était une merde de bonne énergie douce. Le jour où tout a basculé. Oui. Oui. Et ça c'est. Ça, Colo ça, Colo. C'est vieux, ça, en plus. Hein. Hein le jour où tout a basculé, c'est vieux. Mais oui, c'est le premier truc qui a fait ça en fait. Quasiment en France. Hein. C'est le jour de France 2, ça. Ouais. Hein France 3. M6. Ouais. Le jour où tout a basculé. Ou TF1. France 2. Le jour où tout a basculé à l'audience. À l'audience, non. Non. Non. Mais ben, c'était vrai. Le jour où tout a basculé dans ton anus. Non. Non. Pour toi, oui. Okay, ah bah, moi, j'aimerais que ça existe. Non par contre. Et pas qu'un peu. Et c'est sur France 69. Mais évidemment, il fallait faire un peu de merde. Mon histoire vraie. Mon histoire vraie. Mon histoire vraie. Non. Ou oh, si, si, si. Bah, ça existe et c'est sur TF1. Yeah, par amour. Yeah. Oui. Ouais, ça fait un truc France 3, ça. France 2. Ouais. Donc, ouais. Ça existe. Ouais. Les coulisses du voisinage. Non. Coulisses du voisinage. Non. Non. Faut me dire non. Bon bah c'est non. C'est bien trouvé. Petit secret entre voisins. Oui. Ah entre voisins. Si, petit secret si. Entre voisins. Moi je dirais non. Ouais. C'est peut-être entre amis mais non. Ta gueule. Oui. Ah y'a pas de ta gueule en fait dans celui-là. Y'a pas de ta gueule. Ah merde. Moi je dis oui. Tu dis oui. Moi je dirais non. Bah c'est oui. C'est petit secret entre voisins. C'est sur TF1. Si près de chez vous. Non mais c'est un sketch, non. C'est nos chers voisins, c'est ça que tu veux dire. Ah, une qui est gaulée, non, chers voisins, quand même. Ça, je dis rien. Ah, la vieille. T'inquiète pas qu'elle viendra à la maison. Tu cracherais pas dessus, tu cracherais bien dedans. Voilà. Il a tout compris, comment ça marche à ton original. Je crois que cette blague, j'avais déjà fait, en fait. Non, j'avais déjà fait cette blague, je crois. Je sais pas, c'est Fabien qui sort régulièrement, mais... Ah, il sort ça. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Ah ben moi c'est ça, c'est ma philosophie de vie moi. Mais des fois je vais voir les collègues, ah, là, j'y cracherai bien dedans, pas dessus, pas dedans, mais bien dedans. Hein. Quoi? Mais on a une bite, c'est pour s'en servir, bordel de merde. Y'a que les vegans pour s'en énerver parce que c'est de la viande. Pardon, c'est les nerfs. Je sais plus où j'en étais, si près de chez vous, non, soupçon. Oui. Soupçon, oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est sur Chéri 25, donc cette chaîne existe. J'aime beaucoup le YOLO, on ne vit qu'une fois. Ouais. Non. Si, si, un truc énergie 12 ou autre. Il y a un titre qui s'appelle YOLO, donc je dirais oui. C'est ça, c'est sur W9. Ouais. Sucré oui. Au creux de l'oreiller. Ouais, si, oui, ça y a un truc à la con comme ça. Mais non. Ah ouais. Moi ça va pas tarder, va. C'est de moi, je pense que le titre il veut écouter l'émission, les gars, direct. Ouais. On va faire des jeux qui et dépose le brevet et le nom de domaine tout de suite. Hein. NDD. Secret, alors si vous voulez tirer de l'oreiller, une histoire, une urgence. Oui, ouais, France 2. Ouais, France 2 ou France 3, ou France, peut-être France 4, enfin non, France quelque chose quoi. Non, non France 4, ils ont pas fait de truc. Non. Mais, si, il y a une vie aux zoo, mais ils arrêtent pas de choper des singes, ça m'énerve. Une saison aux zoo. Une saison aux zoo. Une saison aux zoo, pardon. Ouais, mais c'est avec des animaux, c'est pas pareil. Ouais. Ah il y a quand même certaines soigneuses, moi je te dis. Ah il y en a qui est d'accord. Ah, il y en a qui est d'accord. Même dans les stagiaires ou non. Ah, non. La blonde. La blonde dans les stagiaires. Non, non, pas dans les stagiaires, mais... Je répétais la déjà. Quoi? Elle avait 12 ans. La blonde. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ouais. Ouais, ouais. Ah, tu vas les soigner, les animaux. Avec ah, les tu phoques. Les soigner. Ah, les phoques. Oh, ou c'est avec les phoques, ouais. Aussi. Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, phoque. Il y a la blonde qui fait un truc. Ah, il y a notre blonde. Ça fait un truc avec la phoque, elle est pas blonde, blonde. L'autre, il y a une blonde plutôt. Ah, mais il est chaud. Ah, mais il est chaud, le mec. Et il y a celle avec les phoques, ouais, pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ah, elle a le gif dans la tête là. Bah, la blonde elle est partie, elle a fait une saison chez les bonobos quand ils sont partis en Afrique. Eh, ça fait trop rêver. Eh, j'ai pas vu ça. Ça m'en dirait ce que tu me racontes. La blonde chez les bonobos, quoi. Ouais. Super trailer. Ça va choper dans ton noir, truc. Ou au singe. Ah, ça je sais pas. Hein, c'était pour savoir. En même temps. C'est les bonus pour France 4.fr. Mais non, mais ouais, je sais pas si vous connaissez une saison aux os. Non, mais non. En fait, c'est une série documentaire reportage sur le zoo de la pêche, les gens. Sur comment en fait fonctionne le zoo avec par secteur. Avec les et alors, il y a des naissances de bébés animaux. Est-ce que le troisième secteur est naissances, ouais. Et tu vois le veto. Par exemple, si j'ai entendu. Quand par exemple t'as, je sais pas, t'as dans la partie volière, bah, t'as toujours un masso qui se barre après une représentation où il l'entraîne et puis hop, il se, fait là, il se barre. Donc, du coup, on les voit en train de trapahuter un petit peu partout avec leur antenne pour essayer de le récupérer. On va te baiser. Ouais, non mais c'est pas mal. Elle est où la poulette? Elle est où la poulette? Même si là c'est spécifique aux zoos de la flèche, mais. On pourrait y aller au zoo de la flèche. C'est vrai qu'il y a des stagiaires au zoo de la flèche. J'aurais aimé que ce soit des flèches. Un week-end et tout. Nous, j'avoue zoo, on regarde des bébés animaux et tout. Ah, tu le vois le bébé lion, hein. Tu vois le bébé lion, tu le sens bien, hein. Ah, non, oui. Ça c'est dans Bernie, ça. Sur le piano. Le coup de pelle aussi. Hein. Ah, t'as cheaté, t'as tout vu. Connard. Non, j'ai fini sur le réalité scripté. Petit secret en famille. Oui. Non, ça n'existe pas. Non, ça, c'est... Ouais. Tu hésites, c'est ça, tu hésites. Surtout, moi, j'ai même pas vu. Oui, je dirais ouais, mais c'est bon, mais c'est. Lequel là? Les gros comme ça. Les gros, j'en ai pas pris. T'as rarement pris un gros. Des échaudés. Ouais, c'est bon que ça, toi. Tu vois, ça éponge. Prépare ton temps. Ça éponge. Hein. Et Vlan. Non, mais pour le tremper dedans. Hein. Passe-moi l'éponge. Ça va t'empêter la bouche. Hein. T'empêter la bouche. Hein. Les échaudés. Non, les deux à avoir réussi. A noter que je crois que le live on l'a. Non, mais tu le mets dedans, mais ça va te vider ton verre. Mais. C'est des lembas. Ah putain, mais c'est pire que du lembas. Le lembas, le croquet dedans. Là aussi, il faut avoir dedans. J'ai eu un suicide de mouche. Je vais la sauver avec un morceau de fraise. Sauve-la, t'as raison. Mais comment tu fais pour manger Tagada, ça, tagada, j'ai sauvé la mouche. Bah, tu le fais mouiller. Tu le mouilles. Tu le fais mouiller. Nathalie. Alors, d'habitude, c'est tu l'as fait mouiller. Mais là, tu le fais mouiller. Oh, espèce d'homophobe. C'est pas mon genre. Il s'agit d'un gâteau ou d'une pâtisserie. Ah, je préfère une pâtisserie du coup. C'est... Et là pour finir, parce que je sais pas combien de temps il reste là. On est à combien? On est à 1h. 20. Ah ouais, ça va être un épisode assez court en fait. Oui. Mon dossier était pas très long. Ouais, ça va, 2 heures pour les autres, c'est bon. Oh, pour une fois on s'attrapera. Pour une fois pour la fin. Exprès. Donc là je vais vous citer des noms d'émissions mais des vrais. Non, bah, faut pas deviner par contre, hein, c'est, je vais citer dans l'ordre. Ah. Vous me direz votre consternation. Hein. Ah, tu trempes? Oui. Il a tort. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu tremper. Ce que vous faites quand vous dormez ensemble. Hein, ce voilà. Qui se passe dans la caravane reste dans la caravane. Dans la caravane. Avec Raphaël. Non, dans la caravane. Elle n'est pas là pour nous écouter. Non, elle est repartie, donc... Bah, quand elle écoutera, elle fera... Eh, hey, mais... Ah, le con. Eh, hey, mais on parle de l'intérieur de moi-même. Vu qu'on me lève, je comprends. Non, jamais. Enchaîne. T'es sûr que tu veux vraiment que vous voulez vraiment que je vienne à Podren? Parce que avec moi, c'est oui. Pas possible. Parce qu'il va y avoir des activités sexuelles entre podcasteurs avec moi, vous non. Le savez. Hein. Ça dépend des autres podcasteurs, s'ils sont d'accord ou pas. Ils ont intérêt à apprécier le molocule, parce que... Ouais. Là, je vais vous citer des noms d'émissions, alors vous allez vous consterner, parce que c'est ouais. Forcément, je vais vous parler de Touche pas à mon poste. Ah merde. Oh, moi, c'est bon. Non, là, parce que j'ai une liste entière d'épisodes spéciaux. T'as franchi une limite, on parle pas de Touche pas à mon poste, c'est mauvais. Je me désolidarise de ce podcast. On peut parler de tout ce que tu veux, sauf ça. Voilà, donc dans le prochain épisode, il y aura tout chaud et moi. À la prochaine, bon, votez pour nous pour les PPA. Ah merde, c'est passé, putain. Pour l'année prochaine. De 2019. Note pour l'année dernière. Ah non, ça c'est ce que j'avais déjà fait. Ce que j'avais déjà fait. Par exemple, il touche pas à ma nouvelle star. Touche pas à mon Patrick Bruel. Ça c'est parce que Jean-Marie Le Pen il a voulu dire on parlera de Patrick Bruel, mais une prochaine fois on s'en fera une petite fournée la prochaine ouais. fois probablement. Je suis pas sûr à 100% mais. On parlera de Patrick Bruel quand on fera des barbecues. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah je vois que de l'œil ce Patrick Bruel. Oh là là. Bref, touche pas à mes années 2000. Une petite douche pour Monsieur Bruel. Ah ils sont pas bons, une petite douche serait préférable. Et t'as vu qu'on a de l'humour. Par exemple, après on a eu touche pas à mes années 2000, touche pas à mes années 90, touche pas à mes jeux télé, touche pas à mes directs. C'est pas à la Nice ou Si, si. Ah, si, c'est à la Nice. On parle pas des émissions. Maurice, Maurice 7 même. Oh putain, hey, j'ai sorti tout à l'heure. Maurice 7. Dehors. Dehors. Et chez toi, mais dehors. À la Nice, Maurice 7. Hein. Ah oui. Et Maurice 7 à la Nice. J'avais à l'envers, je me dis. Et à la Nice, Mauricius. Ça c'est moi quand je suis chez elle. Bon, Reset elle va sentir à la nuit, ça. Elle va se dire, les petits français ils sont quand même un peu, sont quand même un petit peu coquins. Un petit peu... Je vais pas lui faire un gosse, merde. Ouais, je trop vieille, une pension. Attends, t'imagines si proportionnellement j'ai une pension, faut que je fasse 4 boulots en même temps. Je nous m'entends pas. Non, non, t'es obligé de vendre tes jeux sous blister. Ah non. Ah, y a des limites à la vie. Ah, y a des limites à la vie, les jeux sous blister, jamais. Ah, la Nice Morissette, elle peut me passer sur le corps. Ah, mais c'est déjà fait, pardon. Plutôt le carton au Japon. Hein. Le carton, ah oui, ah oui. Plutôt mourir sur un carton au Japon que vendre mes jeux sous blister. Ah, ça, jamais. Ça, jamais, jamais, jamais. Après, j'y touche pas à mon ardisson. Je vous laisse. Je vous laisse dans le sautant. Je vous laisse. Bah, ils sont consternés, mais. Pas trop, c'est ça. Ouais, ça va. Touche pas à mon poste, on refait l'année, première édition, c'est-à-dire qu'en plus il y en a eu plusieurs. Touche pas à mes héros, qui n'a rien à voir avec Daniel. Et Héro. Oh putain. Ah, il fallait la faire, fallait faire une bague oui. de rugby. Fallait la faire. Touche pas à mon prime, donc on n'avait pas trop de noms à donner. Ouais. Touche pas à mon prime spécial jeu japonais. Donc ils ont dû parler du château de Takashi. Mmh, dans le château de Takashi qui est un autre, c'est celui où les gens y meurent parce que il y a des trucs qui leur tombent dessus même en plastique. Oui, ou sinon la course avec le steak dans le cul et ils sont coursés par les chiens. C'est drôle parce que c'est pas vegan. C'est drôle parce que c'est pas vegan. Les japonais. Des steaks dans le cul et ils se font courser par les chiens. Ils ont un slip avec un steak et ils doivent courir et puis ils se font. Il y a un chien qui est derrière en fait. Oh là là. A noter que les japonais ont des émissions où. Ça fait flipper quoi, t'es là. A noter qu'il y a des émissions où les japonais chantent et qu'il y a quelqu'un qui les branle. Ouais. C'est-à-dire que moi j'irais parce que, autant te dire, depuis le temps que je ne suis pas fait branler. Et je pense que d'ici le mois de septembre, pardon, cette remarque t'aura pas changé. Tu seras peut-être allé au Japon. Pour me faire branler. Ou sous un carton. Toi, c'est Et si je me fais branler sous un carton, c'est quand même priceless. Au Japon, c'est classe. Une japonaise. Ah, yata, yata, yata, yata, agoichi. Ça m'y massait. Et là, hop, un saumon. Ah, je fais, oh, y'a un petit coup d'assai. Oh, y'a un petit coup d'assai. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, brûlée des. Oh, soshite les koei mimi des. Qu'est-ce que c'est? Pour saumon, quoi. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans ta bar. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar. Non, non, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar. Okay. Et pas derrière le comptoir. Et après, Soma, ça fait barman. Ouais. Là, j'avais chopé une vidéo, là, c'est un jeu japonais, mais je sais pas exactement quel est le but, mais... Ah, c'est pas très visuel, hein. Ah! Il doit se taper dans les couilles. Ah, ouais. C'est ça. Oh putain, j'ai mal pour lui. Ah, oh, j'ai mal pour lui. Ah, oh, j'ai mal. Ah, oh, j'ai mal. Ah, putain, aïe. Oh, les mecs! C'est la chenille qui redémarre. Oh, vraiment. Plus ça se rapproche, en fait, et plus c'est régulier. Ah, oui. Et je crois que ça va être le dernier qui reste, il a gagné quoi. Ah ben ça c'est je préférais celui où il jamais faire d'enfant. Il faisait le tour de la baignoire, non il y avait des jeunes filles qui étaient cosplayées en maid. Ah oui, faut... et elles sautent sur un truc transparent. Mais elles ont pas de culottes. Ouais, si, elles avaient des culottes. Ah bon? Je sais pas si. Je crois qu'elles ont pas de culottes. C'est mieux avec des culottes. Mais en gros, elles étaient cosplayées en maid, mais avec des mini jupes. Et elles faisaient du saut mouton sur une espèce de cheval d'arceau, ouais, d'un cheval d'arceau, mais transparent. Mais il était transparent. Non, toi, tu te mets dessous et. Qui sautaient pour se foutre sous le truc. Je crois que, vu les plans de caméra, je crois que d'après moi, elles ont pas de culottes. Voilà. Je crois on que avait pas un aussi où il y avait des fils d'alignés, mais tu voyais que leur cul ou que leur sein, et en fait le mec il devait retrouver sa femme ou un truc dans le genre. Si, c'est possible. Ouais, de toute façon, en jeu à la con, je pense qu'ils sont. Oui. Ils sont bien, ouais. Ils sont forts. Moi, c'est là le truc, le trou comme une maison, c'est bon, c'est la mienne. C'est la mienne. J'ai de la visite par là. Oula, il lui dit mon dame. C'est moi. Après, je reprends. Après, il touche pas à mon poste les 5 ans, comme si ça suffisait pas assez. Touche pas à mon poste spécial aventure. 1, 2, 3. En route pour l'aventure. Allez, on y va. En route pour l'enculade. On a tous voté Macron. Vandal, c'est pour toi. Allez, on l'aura dans l'oignon. Touche pas à mon poste. Mais en marche, quoi. Ouais. Touche pas à mon poste. C'est que l'amour. Non, ça je dis non, moi. Non, mais c'est vrai. Hein. Ah merde, ah, non, je dis quand même non. Non, c'est pour ouais, moi je dis ta gueule. Mais arrête-toi, mais pour tout après, on avait touché à mon point spécial Noël parce que quand on n'a pas d'idée, on fait un spécial Noël. Après, il y a le spécial BDZ peut-être. Touche pas à mon poste, faites vos vœux. Donc, tu sens qu'au mois de janvier, on se faisait vraiment chier. Touche pas à mon poste, le prime de la vérité. Touche pas à mon poste, spécial Las Vegas, spécial trip, baba. Non, very bad, baba trip. Parce que Baba, c'est le surnom de. Oui, Very Bad Trip. De Cyril Hanouna. Non, mais vas-y, enchaîne là. Parce... Ouais, touche pas mon poste, fais son Olympia. C'est-à-dire que l'Olympia s'est fait. C'est fait touche pas à mon posté. Ouais, touche pas à mon posté, ouais. Touche pas à mon poste spécial finale de la Ligue des Champions, comme si la finale de la Ligue des Champions avait besoin de ça. Touche pas à mon poste spécial. Non, touche pas à mes primes spécial best-of. C'est-à-dire que c'est vraiment là, la quintessence du. Le best-of des primes de touche pas. Best-of, voilà, le best-of des best-of. Touche pas à mon poste, fête l'anniversaire de Baba. C'est comme si nous on faisait un apéro original. Oh, j'aime bien qu'en fait mon anniversaire ce n'est pas du tout de la géographie. C'est très intéressant. J'aime beaucoup que les gens me disent oh, quand même, Godalf 80, quand même, on est content de fêter ton anniversaire. Tu es un podcasteur comme ça. Voilà. Ça m'a prouvé le melon du mec. Non, mais j'y arrive. Hein. Mais putain. Ah, c'est vrai qu'il est encore sous son quignon, le gars. C'est trop fort à Nanis, quoi. C'est et à Nanis, Morissette, t'es qui ça? C'est plus fort quand je trempe dans la bière. Comme ouais, ça, ouais. Ça... Ah, t'as vraiment testé en plus? Ah oui, mais c'est comme ça, je mets ça, à l'année parce que là. Ah d'accord. Touche pas à mon après-midi, c'est quand ils avaient fait la 24 heures, les 24 heures de touche pas à mon poste, vous vous rappelez ou pas? Oui. Voilà, si vous vous rappelez. Ils sont endormis au bout de je sais pas combien de temps. Oui, parce qu'ils ont filmé Cyril Luna qui dormait. Touche pas à mon poste, la grande Rachera. Première édition. La grande quoi? Rachera. D'accord, on passe à la suivante. Voilà. Touche pas à mon poste, chanter comme jamais. Ah, mais c'était vraiment des missions. Pour une fois, il n'y a pas marqué touche pas à mon poste. La grande régalade de Baba Noël. Ah, vous voyez, les gars, si on vous reprend avec l'apéro original, on est les rois du concept. Hein. Mm. Franchement, au début, on rigolait. Ouais, on va parodier l'apéro du capitaine. Ouais, on s'est inspiré. On a pris un petit peu concept de ça, un petit peu concept de ça avec le nom, et c'est tout. Bref, on est des enculeurs, quoi. Regarde, le FMIK, ils font pareil que nous. Hein. Ils étaient là avant, mais ils font pareil que nous, ces enculés. Hein. Oui, mais on s'en va jamais. Tu crois qu'ils ont inventé le nom Fonds Monétaire International? Non, même le nom, c'est leur chier. Qui est Fonds Monétaire International? Ça, je dis oui. Ils l'ont copié, quoi. Pardon, c'est les nerfs. Touche pas à mon poste, fais du ski. Touche pas à mon poste, la grande régalade spéciale Saint-Babalentin. Putain. Ah, mais c'est vraiment la tristesse, hein. Touche pas mon poste, toute la vérité. Encore ? Rien que la vérité, juste la vérité. Bah, tu l'as pas dit dessus, hein ? Levez le bras droit et dites je le jure. Je vais faire une blague de merde, sexiste. Une blague homophobe. Ah, ça c'est bien, monsieur. Très bien. Touche pas mon poste, Castaldi versus Delormo, qui sera le meilleur animateur. Le suicide. le suicide, c'est le meilleur animateur. Et je finis avec le dernier. TPMP Radio Baba. Vous voyez que même avec la meilleure imagination de tous les temps, on peut pas créer des trucs pourris que ça. Je sais qu'on va se faire attaquer par des fanzous. De toute façon, les fanzous, je suis pas sûr. Oui, ils écoutent pas. Ils savent pas ce que c'est le podcast. Le podcast. Ils sont à fond sur. Bah, ils ont pas le temps à regarder toutes ces merdes. Ils sont sur Hanouna TV, donc. C'est news, quoi. C'est 8. Enfin, oui, à nous demander. Le podcast, c'est un replay d'un truc qui n'existe pas. Tu vois, je sais ce que c'est. C'est un replay d'Hanouna. Ah oui, c'est un... les radios. C'est un replay d'un truc qui n'est pas encore passé. C'est pour écouter les émissions d'Europe 1. C'est pour écouter, ouais, c'est ça. C'est pour écouter les recettes, c'est ça. C'est pour écouter Hanouna. Donc voilà, c'était, c'était Drop the Mic. Ouais. Je sais pas combien on en est. J'ai dû. Une heure et demie. On est bien. Moi, à part la dernière partie qui était super chante, mais. Ah oh non, non, mais j'étais concentré sur mon morceau de. T'as pas fini ton bout. De mon bout au bien dur. D'échaudé. D'échaudé. Hey, j'espère qu'il y a des meufs qui disent. J'ai trop de mal avec ton bout bien échaudé, dur. Échaudé, l'eau froide. Azertophadique a décaloté. Et s'est fait enculer. Donc, du coup, on va partir sur la. partie musicale, la dernière partie. Musicale. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant chantons. Et donc, du coup, le Milou avait bien trouvé parce que la, ma chanson que j'ai choisie, c'est Patron, Yamar et Basse, des amis de ta femme. Donc, du coup, on va se quitter là-dessus. On se dit à la... Au mois d'octobre. Octobre, oui, septembre. Je compte sur mes doigts et je sais lasser mes chaussures deux par deux. On sera trois sur. Et j'espère que tu sais faire autre chose avec tes doigts quand même. Ah oui, je sais faire du piano. On se sera pour guitare. D'accord. Et des doigts. Ah. Oh pop, pop, pop, pop oh non, mais c'est moi qui gère, donc non. Mois d'octobre pour le 10.1. 10.1, ouais. Eh, session 10 quand même, les gars. Du coup, session 10, du coup. Invité spécial. Une table peut-être changée, peut-être pas changée. Peut-être pas. Pas on toujours hors les murs ou alors rentrer chez vous. Ouais. Vous verrez bien. Non, non, on fait ça entre nous parce que tu sais. Entre nous. À force, il faut. Non, moi, bon, je lance la musique parce que là, ça peut. Et oui, je peut-être qu'il reviendra parce que ce clochard. Mais je vais chauffer la voix. Eh, j'espère que oui, il fera. En tout cas, ce clochard, il fera on ira où tu voudras. Ce putain de clochard, tu voudras. Mais il me gonfle, ce l'amour sera mort. Mais il me gonfle. On sera encore. Et si c'est des vacances, tu viens? Non, c'est pas. Non, ouais, c'est mais pas moi j'ai pas changé d'adresse. Ah non, mais j'ai changé d'adresse. Et t'as les décolletés en V et le. Non, ça... Et j'en connais quand même, un sacré décolleté à Cap de Nac. Ouais. Ouais, gros. Donc, du coup, on se dit à la prochaine et merci pour tout. À la semaine prochaine. Bah, merci à vous, les coucous. À la semaine prochaine. Merci. On est libre. Ouais. On est libre. Libération. Alors, on peut aller où tu voudras quand tu voudras. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui est de moi, faudrait que je boive un coup, tout n'importe quoi, ça fera bien l'affaire, à force de chanter, de hurler et de braire, j'ai besoin de picoler. Mais qu'on ne me serve pas de jus de fruits ou de la flotte, surtout pas un coca, je tiens trop à ma glotte. Patron Yamar et Rosse, fais-moi voir la fixe, j'ai le dossier qui se lance de tout ce qu'elle aurait. Un bon demi bien frais pour y mettre du goût. Le picouriac ça devrait. Ou même un petit rouge. Un bon vieux jaja. Plus ça tâche et mieux c'est. Ou bien pastaga. Mais sans glaçon s'il te plaît. Vodka, renoue en tard whisky, serre-moi tout ce que tu as, tu me sauves la vie. Patron Yamar et Brosse, prévois voir la petite soeur, j'ai le gosier qui se lance, et tout ce qu'elle horreur. J'ai besoin de fortifiant, y'en a bien des qui stoppent. L'alcool c'est important pour que l'humeur se développe. Et même si ça rembouffe, quoi que ça dépend pour qui. chie. Et tant pis pour mon foie, on crèvera tous, ça se prête. Autant vivre dans la joie. Merde, on n'est pas des bêtes. Patrouille à verre les brosses. On aimerait voir les petites soeurs. J'ai le gosier qui se lance. Faites tout ce qu'elle horreur. Patrouille à verre les brosses. On aimerait voir les petites soeurs. J'ai le gosier qui se lance. Petite soif, moi, tiens.